Bonjour à toutes et à tous. Ben du coup, je vais pas refaire toute l'introduction parce que ce sera trop long, mais on se retrouve pour la suite de ce bilan de l'année 2018. Et comme je l'ai dit il y a une ou deux semaines, on va commencer avec les flops. C'est parti. Donc, on est à la rubrique des flops et Morgane, bah, je te propose de nouveau de commencer. Je commence. Bah, ah ouais, bah allons-y, commençons. Bah le meilleur commence, d'accord. C'est pas comme ça que je le décrirais, mais vas-y. si ça te fait plaisir. non, voilà. Il y a eu des mauvais films cette année, il y en a eu, donc là, on va lister les 10. Oh, ça me fait mal rien que d'y repenser. Bon, ouais. Numéro 10. Under the Silver Lake. Je suis désolé Adrien, mais alors franchement non. Non, j'ai pas supporté. J'ai eu envie. En fait, c'était particulier parce que il y a des gens qui partaient pendant la séance et je les enviais non, vraiment. Mais c'est pas à la portée. Et comme j'étais accompagné. Ouais, c'est trop intelligent pour moi. Non, mais non, je suis pas rentré dans le délire. J'ai pas compris ce que le film voulait me raconter. Il me juge, hein, c'est pas. Mais non, mais ça aime les animaux fantastiques non, et ça vient me faire la morale. Vas-y. Voilà. Et donc non, je suis pas rentré dans le délire. J'ai trouvé ça pénible, alors que j'adore It Follows. T'as vu ce que ça fait, Morgane, quand on est en podcast avec toi? C'est ça. T'as trouvé ça pénible. Ouais, bah, allez, mets ton numéro 9. Numéro 9, un film français, Fleuve Noir, de je ne sais plus qui. Avec Vincent Cassel. Là, en fait, avec Vincent Cassel et Romain Duris qui. Livre peut-être la pire prestation de sa carrière. Ce qui est beaucoup de dire, parce que Arsène Lupin, c'était déjà. Oh putain. Ouais, mais ça allait. Il était un peu dans la caricature, tout ça. Mais ça allait. Là, franchement, non, il y a vraiment trop de trucs qui vont pas. En fait, on a l'impression que c'est un film des années 70. Ils ont retrouvé les bandes, ils sont étonnés, on va le sortir. C'est vieillot à un point, mais j'ai jamais vu ça. Mais la caricature à l'outrance, Vincent Cassel en gros flic beauf et homophobe, enfin, avec toute la manière dont il. Ah oui. Oui, ben, oui, c'est du mauvais Olivier Marshall, on va dire. Numéro 8. C'est la référence qui part que à Morgane. Personne d'autre sait qui c'est Olivier Marshall. Personne n'a vu Olivier Marshall, Olivier Marshall quand même. Moi je pensais à Marseille, la série Olivier Marshall, je sais quand que quand tu me décris Fleuve Noir, c'est. Oui, attendez, personne connaît Olivier Marshall. Bah, 36 qui a des orphelins. Les Lyonnais, tout les ça. Lyonnais. Là. Les Lyonnais, ouais, voilà, tout ça. Bon, mettons. Ah, Charles-Antoine adore. Ouais, mais c'est du mauvais Olivier Marshall. Olivier Marshall fait des bons polars, je trouve. Mais alors, après, il s'appelle Marshall, alors il peut faire des films de shérif. Tout à fait. Numéro 8, donc. Oh, c'est 10. Je vais vous troller, mais vous vous rendez compte, vous arrêtez pas de me parasiter. Oh putain. Le pinard qui fout de la charité. Vas-y, Morgane. Bah, je suis toujours vas-y, très sage Morgane, dans votre. Vas-y. Voilà. Numéro 8, je vais y arriver. Hein. Le retour de Mary Poppins. Alors, justement, Morgane et le retour de Mary Poppins, c'est très laid et insupportable. Et j'y croyais dur comme fer parce que Emily Blunt. Je sais pas comment. Non, mais j'adore Emily Blunt et j'aime bien Rob Marshall quand il fait Chicago. Mais Rob Marshall, c'est aussi Into the Wood. Là, on se rapproche plus d'Into the Wood. C'est pas que ça. Hein. Et Rob Marshall, c'est non plus, ça n'a pas de rapport du coup avec Fleuve Noir. Ah oui, c'est vrai, Marshall, c'est vrai. Bah, Rob Marshall, il y a Nine aussi, il y a Pirates des Caraïbes. 4. C'était. J'ai pas vu Pirates des Caraïbes 4, mais Nine, c'était horrible. Non, c'est pas si. Hein. C'est d'accord. C'est le meilleur de la saga, on va dire. Mais c'est bien, je bien. Vas-y, mon. Et bah, c'est insupportable. Ouais. Encore plus que vous à l'heure actuelle, c'est pour dire. C'est tout ce que j'aime pas dans le côté comédie musicale. Il vient nous balancer une grosse insulte. Mais c'était bien, personne relevait, j'aimais bien, moi. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Non, c'est pénible, c'est con comme la lune. J'ai pas du tout aimé. Mais je suis. First Man, quand même. C'est bien. Oh là là, mais arrêtez. Mais non, mais je vais vous pourrir. Bon, bref, bon, je next. Numéro 7. Et là, il y en a beaucoup qui l'ont mis dans leur top. Et à mon grand regret, encore une comédie musicale, The Greatest Showman. Qu'est-ce qu'on l'a pas mis, on l'a pas, on l'a pas mis. Je suis vraiment gagné. De signaler que c'est pas ici. C'est très bien, reste comme ça. Moi non plus. On l'a pas mis dans nos top, Morgan, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais dans les top général. Il parle dans le monde du monde actuel. Alors, moi je l'ai pas mis voilà, dans mon mais... top hein. Même quand il est sorti, quand il est sorti, il y a eu quand même un déferlement d'amour envers ce film. Ah oui, non, pas plutôt bien, non, c'est pas que c'est plutôt bien. C'était grandiose. C'était le film. Ouais, j'écoute la BO. Oui, le film il est écoutable, mais il est pas regardable. C'est ça, parce que moi j'en ai un dans mon top qui est ni écoutable ni regardable, ni même reniflable, alors ça va. Bah moi je veux bien renifler Hugh Jackman, hein, y a pas de soucis. Hein. Mais ça dépend dans quel film on regarde, je suis sûr que j'ai envie de le renifler. Vas-y. Ah ouais. Tout en sûr. J'adore. Donc dans The Greatest Showman, c'est écoutable, la BO est top, c'est pas ce que je dis. Mais non. J'aime bien la BO, la musique est bien et c'est High School Musical quoi. Oui, ah, mais justement. Là, mais c'est un ridicule. C'est ah non, je. Non et puis ah. Et puis comment et en plus, comment quand, en plus quand tu te renseignes après, tu te rends compte que l'histoire du vrai mec c'était un gros connard de première. Mais oui, c'est une espèce, c'est la comédie musicale Disney Channel par excellence, une espèce de feel good movie, tout est édulcoré et honnêtement. Non mais Zendaya et Zac Efron, je sais pas, ils devaient avoir leur épreuve de fin d'études Disney Channel à passer. Non mais attends, mais il y a Zac Efron dans une comédie musicale, mais c'est on est en 2005 ou quoi? Mais c'est quoi cette histoire? C'était tellement nul. Oui mais Zac Efron, je le renifle aussi, vous voyez. Et puis c'est laid quoi en plus. Non, Zac Efron, il est pas... Non mais le jour où il aura perdu tout ses dents de lait, on verra, mais pour l'instant... Mais il fait plus vieux que toi, qu'est-ce que tu racontes toi? Non, bon, voilà, The Greatest Showman, très très mauvais souvenir, très douloureux, je me suis vraiment emmerdé, et pourtant ce genre de film ça passe, mais... Moi non, j'ai prié pour que ça s'arrête, hein. Surcoté à mort, moi aussi j'ai prié, mais... Voilà. Personne n'a répondu. Numéro 6, American Nightmare, Nightmare. Je suis sûr que c'est pas si mal ça. En bon franchouillard qu'il est. Pardon. Nightmare. American Nightmare, la purge. Et Dieu sait que c'en était une. Bah voilà, on parlait de préquels là, Conjuring, Inside Use, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Préquel d'American Nightmare. Bah franchement, j'en avais marre. Donc c'était horrible. Ça a aucun intérêt. Il y a pas de suspense du tout. C'est chiant. Il se passe rien. C'est inutile. Et voilà. En revanche, regardez The Purge. C'est bien. Voilà. Ouais, faudrait peut-être que je The Purge. The Purge. Mais quand je parle en anglais, tu comprends pas, Eddie. Alors moi, je m'adapte. Ah, si, non, enfin, je comprends l'anglais. On c'était juste que voilà, je comprends. The Purge. Voilà, The Purge. Il y a une série sur le. Oui, sur elle est très bien. Je recommande. D'accord. Oui, bon, non, autre chose à faire. Et par Interfoot, voilà. Pardon. J'ai d'autres trucs. Oh, bah non, autre chose à faire. Le mec qui me pose des questions, c'est. Ah, il y a une série là? Ah, j'en vais les couilles, en fait. Vas-y, Morgan. Bon, Morgan, il faut que tu continues parce que là, ça part en cacahuète. Moi, je vous attends. Oh, Morgan, c'est bon, fais pas ton ravageoir. Sixième, il me semble. Cinquième, je crois. Non, numéro 5. Et moi, je suis pas. Numéro 5. Oui. Vas-y. Numéro 5. Le 15h17 pour Paris. Ah ouais, mais ça, c'est pareil. Pourquoi tu vas voir ça? Il y a un moment. Bah, Clint Eastwood. Quand même, hein. Enfin, voilà. Clint Eastwood. Ah, mais de son vivant, il était bon, hein, c'est sûr. Mais là, quand même. Là, il dépérit. Non mais je suis même pas. Enfin, c'est un film dégueulasse. C'est un film dégueulasse et pourtant voilà, Eastwood. Bon, Eastwood, c'est un peu comme le vieux tonton d'une famille un peu raciste, mais que t'aimes quand parce même. Qu'il a parce joué que des amants dans la guerre. C'est bien la référence. C'est la mif quoi, tu vois. Non mais vraiment. Parce qu'il a fait Grand Torino il y a 10 ans quoi. Non. Ouais, il a fait d'autres de bien quand même. Ouais. L'échange. L'échange est très très beau. Et très réussi. Mais du coup, ça c'est nul. Mais là, c'est un film dégueulasse parce que c'est se servir quand même d'un drame qui a été évité quand même, mais d'un drame pour en gros servir la soupe patriotique un peu réac habituelle et là qui personnellement m'a vraiment dérangé. Je trouvais ça très malhonnête venant d'Eastwood, très décevant et j'ai jamais vu Eastwood filmait aussi mal, on va dire, le côté un peu urbain. Enfin, il y a des scènes qui se passent en Italie. On se croirait, mais vraiment dans un mauvais Woody Allen, quoi. C'est horrible. C'est horrible tellement c'est niais, c'est mal foutu, c'est mal éclairé. Enfin, y a rien qui va. Je mais du début, Woody Allen, vraiment, c'était niais, super toi. Non, mais du mauvais Woody Allen, ouais, moi. Voilà, c'est pas trop mal filmé quand même. Oui, justement, mais c'est. Là, c'est. Non, mais d'accord, ouais, ok. C'est Woody Allen, mais vraiment. Voilà. Bref. Numéro 4, vas-y, oula, attention. On va dans du lourd, on va dans du lourd. Et dans un gros flop, un raccourci dans le temps. Mais alors, voilà, là, c'est pareil. Vous êtes tous allés voir ça. Mais il y a un moment, si tu regardes la bande annonce, tu vois bien ce que c'est quand même. Non? Bah non, mais Anna Duvernay, en plus elle était à Cannes, j'adore, Anna Duvernay était à Cannes et à Pont, un truc pareil, j'ai pas compris, comme quoi faut pas être talentueux pour être joué, oui, à Cannes. Oui, si, ou alors, mais là, Beto Bacat, ça arrive. Quel, bah oui, Xavier Dolan, quelle purge, mais c'est une purge qui est sympathique quand même, parce que je me suis pris d'affection pour ce film, non, parce que c'est mauvais, c'est moche, c'est ridicule, mais c'est marrant, quoi. Du coup, tu as une purge dégueulasse derrière, une purge derrière, moins pire qu'une purge sympathique, si on t'écoute. J'ai pas compris, mais tu verras après, mais ce qui est fascinant, c'est que... C'est un espèce de... Tout est mauvais dans ce film, mais c'est du mauvais goût qui fait du bien. Donc il y a un côté un peu nanardesque quand même, voir Reese Witherspoon se transformer en Batavia et voler dans le ciel. Faut le voir pour le croire. On fera Winfrey qui fait... qui... Non mais c'est vrai, hein. Elle se transforme en feuille de Batavia et elle vole. C'est, Reese Witherspoon se transforme en salade géante. Faut le voir pour le croire. Ouais, moi j'arrive même pas à me représenter ce que ça peut être à l'écran. Mais faut le voir. Voilà, les acteurs sont désastreux. Mais si, faut le voir parce que c'est rigolo. Je veux dire, c'est une purge qui est vraiment sympa. De toute façon, il s'est cassé la gueule. Hein, donc. Mais voilà. Ah ouais, mais il a pas marché. Le film n'a même pas été distribué en France en DVD. Hein, je crois. Si, non, il est pas. Vu à la Fnac. Non, tu crois? Si. Attends, quand même. Si, parce que ça reste Disney malgré tout. Faut vraiment. Même les pires films de tout la. Ils ont quand même une distribution, quoi. Donc. Là, Ah ouais, ah ouais. Attends, même Venom, il va avoir une distribution, alors. Vraiment, c'est... Vas-y, continue. Donc, en troisième. En troisième, bah, un film français, pour le coup. Hein. Neuilly, sa mère. Voilà. Ah. Parce que j'aime le premier. J'adore le premier. Je trouve que c'était une comédie familiale. Ouais, c'était très sympathique. Et j'attendais beaucoup le retour. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont raconter 10 ans plus tard? En plus, politiquement, le monde a évolué. Ça va être... Non, ils racontent rien. C'est gênant et chiant. Voilà. Bon, politiquement, le monde n'a pas tellement évolué. Hein. On a eu des nouveaux... Voilà, enfin, il y a une explosée quand même plus d'adhésion au Front National qu'il y a 10 ans quand même. Hein. En tout cas, le Front National est beaucoup plus populaire chez la classe ouvrière, tout ça, et pas que d'ailleurs. Enfin, il y a des choses qui ont bougé, donc je me suis dit, Neuilly, sa mère, le tout premier avait quand même un côté un peu critique envers le monde politique, c'était de la caricature, mais il s'en amusait quand même. Et là, en fait, non, il y a rien qui, c'est inutile, et c'est pas drôle surtout. Mmh. Alors que le premier était drôle, plutôt bien écrit, touchant, attachant, et là, c'est l'inverse total. Pourtant, même réalisateur, même casting, hein, mais aucun intérêt. Ok. Numéro 2, pardon. Oui, c'est le cinquième volet d'une saga culte. Taxi. Franchement. J'ai déjà oublié. Non, moi, j'ai même pas vu, mais j'avais oublié qu'il était sur Taxi, quoi. Mais non, mais moi, Franck Gastambide, Bide, honnêtement, à chaque fois, je l'attends en tournant. À chaque fois qu'il fait une comédie, de toute façon, il est dans mon flop en 2016. Oh bah, c'était Pattaya, le pire film de l'année. Ouais. Non, mais oui. Voilà. Vas-y, scénariste. C'est de la merde. Voilà, il y a pas d'autre mot. C'est tout ce que j'aime pas dans les comédies de Gastambide. C'est méchant, c'est vulgaire, c'est sale, c'est pas drôle, c'est lourdingue. Et pour moi, c'est une insulte à Taxi parce que franchement, Taxi, j'aime bien. Ça a cartonné. Ben oui, mais Gastambide, à chaque fois qu'il fait un truc, ça cartonne. Hein. C'est un peu comme, même si justement je préfère largement Philippe Lachaud. Bah bien sûr, il est beaucoup plus intègre Lachaud que Gastambide de toute façon. Ouais. Mais oui, Lachaud, voilà. Pour avoir discuté avec lui hier, voilà, je m'en vante un petit peu. Mais j'aime pas du tout ce que Gastambide fait, j'aime pas, et puis je trouve que c'est un film très malhonnête, et même envers Samina Seri, voilà, je trouve qu'il aurait fallu qu'il revienne. Oui, au moins, moi je vais pas reprocher à un mec de pas être honnête envers Samina Seri, très honnêtement. Morgane. Non, c'est pas ça, mais c'est voilà, quand je me suis un peu renseigné sur les comment le film a été fait, c'est vraiment un film c'est très malhonnête et ça se ressent. Et le numéro 1. Alors là, c'est aussi un film que j'ai vu dans beaucoup de tops, qui est un film français. Mon plus grand, ma plus grande douleur de l'année, Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Mmh. Ah bon ? Ah, j'en ai entendu du bien de fou de ça. Ah non, mais Les Garçons Sauvages. Ouais, alors là, on est dans aussi dans ce que je n'aime pas dans le cinéma d'auteur. C'est un espèce d'ego trip que je trouve, mais d'une prétention et d'une bêtise. C'est-à-dire que devant Taxi quand même. Ah mais oui, c'est parce ça, que devant Taxi et le Clint Eastwood Attends, il y a un raccourci dans le temps, tu vois. Arrêtez avec vous. Dans ce film. Enfin bon. Non mais c'est moins pire que c'est pire non, que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, c'est pas parce que je mets par exemple Under Silver Lake 10e et puis Taxi 5 2e, enfin ça a rien à voir. C'est pour moi les flops, c'est un peu c'est tellement subjectif, c'est pas, je vais pas juger objectivement. Oui, Les Garçons Sauvages, objectivement, ils devraient pas être dans ce flop. Parce que ça prend des choses. Mais ce sont des choses qui m'ont bien emmerdé. Et que c'est ce que je n'aime pas au cinéma. Ok. En plus, j'y suis allé en avant-première. Donc, il y a eu un débat avec le réalisateur après. Qui est aussi chiant que son film d'ailleurs. ouais, non, franchement. Hein. Oh, les attaques personnelles, hein. Non, franchement, il est. Il est mal coiffé, hein, franchement. On s'endort, quoi. Franchement. Ah ouais, non. Mais non, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça long, interminable, pour le coup très prétentieux, et dans son message féministe, un tout petit peu limite quand même, même en termes de symbolisme. Enfin, je veux dire, je veux bien qu'on fasse un film féministe, et j'adore le féminisme au cinéma, hein, Free Billboard, si tu me regardes. Mais alors là, franchement, pour moi, quand t'arrives dans ton film à montrer des femmes qui cueillent des testicules sur des arbres et qui les mangent. C'est pas des femmes, c'est de quoi? Oui, c'est des femmes. C'est pas des femmes. Non, c'est pas des femmes en fait. Ah non, mais dites rien. J'ai rien compris. En fait, si vous voulez. Attendez, arrêtez de me couper, je vous explique. Bon, allez-y. Non, mais le truc, c'est que c'est des actrices femmes qui campent des garçons. Voilà, qui joue des personnages de garçons. Et ça, pour le coup, le rendu est très bien dans le film parce que ça donne un côté étrange à ce film-là. Ouais. Et c'est vrai que c'est un film qui parle du féminisme et tout. Mais c'est un film que j'ai trouvé un petit peu misandre quand même. Alors ça, c'est pas bon ton de dire ça aujourd'hui, mais je trouve que c'est un petit peu misandre parce que c'est vrai que les hommes sont un peu diabolisés. Moi, ça me dérange un petit peu ce discours un petit peu extrémiste à l'envers. Mmh. Bah, Marlène Schiappa aura adoré du coup. Ah bon, alors là oui. Non mais voilà, après il y a quand même des scènes qui sont, en termes de symbolisme, on est pour moi à la limite de la crétinerie quoi. Je vois une scène où même dans la salle ça a été un peu pris un peu tièdement. Il y a des testicules sur des arbres, si je vous assure, elles attrapent les testicules, elles les mangent. Si elles ont faim. La vision est très simplifiée là. Ouais, c'est un peu simplifié. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un message féministe un peu au forceps. Et puis simplement, je me suis emmerdé quoi. Ça dure 2 heures. Non, mais ça, c'est un ego trip. Ah, c'est horrible. Mais je ne l'explique pas. J'ai trouvé ça affreux. Okay. C'est ce que je n'aime pas dans le cinéma français. C'est ce côté bobo, suresthétique. C'est regarder mes références, regarder ce que je fais, regarder moi, machin. Ah non, j'ai pas aimé. Voilà. Ok, très bien. Bon, d'accord. Eddie. Alors moi, du coup, c'est un flop 8. Mm-hmm. Donc 8e En eau trouble de John Turteltaub là. parce que je me disais le machin avec un gros ouais je me disais ça peut être sympa ouais. Ça peut être divertissant quoi et en fait ça l'est même pas donc du coup c'est chiant. 7e La Forme de l'eau. Moi j'ai détesté hein, vraiment j'aime pas du tout et je enfin voilà ouais non mais enfin j'en ai déjà beaucoup parlé quand on avait fait le podcast sur le film je trouve que c'est même pas réussi quoi et même visuellement et tout je trouve que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'emprunts à d'autres cinéastes et on adule Del Toro derrière donc bon. Bref bon voilà moi c'est pas un film que j'ai aimé du tout. 6e c'est un film Netflix, c'est le Rituel que j'ai pas trouvé réussi du tout. Alors c'est pareil, c'est très chiant, c'est très long et le dénouement est assez improbable et ça sert clairement à rien en fait. Cinquième, Insidious, la dernière clé. Oh. Bon, je suis navré. Hein. Je suis d'accord avec toi. Non, mais alors moi je comprends pas du tout ce que tu disais tout à l'heure, Adrien. Je vois, enfin, pour moi, c'est clairement trop, quoi. Enfin, j'arrive même pas à voir en fait l'intérêt de ce préquel. J'ai l'impression qu'en plus, ça désamorce tout ce qui faisait le sel un peu des autres. Le fait qu'on veuille tout nous expliquer comme ça et ça gâche un peu tout. Puis en plus de ça, je trouve que c'est long, c'est pas spécialement joli et enfin non, moi je me suis emmerdé. Et je trouve pas que l'actrice qui joue Elise soit très Ah si, elle est bien Lynchay, moi je trouve. Je la trouve pas spécialement convaincante. Après ça c'est plus un ressenti très personnel mais numéro 4, la petite famille. C'est vrai. Voilà, c'est sorti cette année ce machin-là, la vache. Ouais. Ah, j'ai même pas été, mais j'avais pas testé le premier, moi. Enfin, le premier, le Bienvenue chez Ch'tis. C'est pas vraiment une suite, non ? Non, ça a rien à voir. Non, rien à voir. Mais, moi, Bienvenue chez les Ch'tis, je me rappelle, je l'avais vu en famille quand il était sorti, j'en l'avais vu au cinéma. Et c'est vrai qu'en famille, c'était drôle. Ouais. Je l'avais revu chez moi. C'est un petit film assez sympathique. Voilà. Puis, en fait, avoir une fois, c'est sympa. Mais... Voilà. Oui, absolument. Moi, je trouve qu'il y a vraiment pire que ça. Oui, puis, tu sens que Danny Boone a beaucoup de tendresse quand même pour ses racines et tout. Absolument. Donc, absolument, ça fonctionnait assez bien. Là, c'est chiant, quoi. Puis c'est que tout paraît... Là, pour le coup, c'est que c'est gras, en fait. C'est gros. Genre Valérie Bonneton, tu sens bien du tout qu'elle a pas du tout l'accent ch'ti et tout, enfin tout paraît faux, ça fait aussi faux que Karine Viard et François Damiens dans Un Fémis Bélier, quoi, par exemple. D'accord, ouais. C'est voilà, donc puis ça veut aller dans les bons sentiments et tout, et c'est donc le problème c'est que c'est même pas drôle et puis l'émotion fonctionne pas non plus, donc ça sert à rien. après troisième, Ghostland. Alors moi j'ai trouvé ça abominable. Mais vraiment, j'ai trouvé... C'est abominable. Quoi ? Bah, t'as trouvé ça abominable, c'est abominable. Non. Mais t'aimes pas Logier au départ ou Non, parce que je le connais pas plus que ça. Donc, parce que je l'ai pas vu, moi, celui-là, mais j'avais beaucoup apprécié Martyr. Alors non, j'ai pas vu Martyr, j'ai pas vu The Secret non plus. Mais bien. Là, j'ai trouvé... Alors tout le monde me disait, surtout Morgane d'ailleurs... tu verras, c'est inventif, machin. Alors, non, j'ai trouvé que moi, ça ressemblait à tous les films d'horreur que tu voyais dans les années 90-2000. Oui, il y a un côté. C'est un alors côté déjà. Vintage, ouais, voilà. Et puis en plus, c'est pas les meilleurs, quoi. Donc, t'as deux greluches qui font que de crier tout le film et qui en plus, qui jouent super mal. Il y a tout ce côté temps, quand un peu. T'as deux brutus qui veulent te tuer. Oui, t'as pas le choix que mais t'as tout ce côté un peu psychologique à deux balles, alors qu'il fonctionne pas du tout, où finalement, en plus, tu comprends assez vite le pourquoi du comment du truc. Et puis, Mylène Farmer, clairement, déjà, elle est pas vraiment très bonne chanteuse, mais en plus, elle est pas bonne actrice non plus. Donc, Non, Morgane. Personne n'osait le dire, tout mais le pense. Chose, il a... Non, mais, non, mais Morgane, non, je suis navré. Mylène Farmer, elle a eu une carrière, ça d'accord, mais là, aujourd'hui, non. Non mais d'accord, mais ils ont tous une carrière. Honnêtement, alors juste, non, attendez, on va. Alors après, je dis, ok, quand il fait pas la qualité, enfin, si non, elle était vraiment aussi, mauvaise, carrière, elle, regardez, elle fait une tournée là en juin et tout, les places se sont vendues en une heure. Enfin, si elle non, était Carlos si aussi, mauvaise, oui, parce tournées. Qu'elle a que des fans hardcore qui seront prêts. Elle vendrait sa crotte sur Amazon, tout le monde il l'achèterait. Et c'est mais bah, c'est de ça, même ça, pour Beyoncé, ça, Lady Gaga, tout ça, il y en a plein. Bah oui, mais c'est je dis pas que c'est différent. Mais juste bon, que bon, du coup, oui, du coup c'est pas le débat. Voilà. Donc non, je la trouve. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé ça chiant comme la mort et vraiment pas intéressant. Et en plus, c'était moche. Donc bon. Ok. Deuxième, The Greatest Showman. Alors c'est un peu le même constat, mais pour un contexte bien différent. Morgan a assez bien résumé le truc, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé ça abominable aussi, hein, quand même. C'était vraiment là, on était bien, bien haut quand même dans le l'insupportable. Alors déjà, Hugh Jackman, je sais pas pourquoi il s'acharne à vouloir chanter parce qu'il ne sait pas. C'était déjà. Non, ça c'est pas vrai. Ah oh, si, dans Les Misérables aussi. Non, hein. non, il était. Non, ça c'est pas vrai. Si. Dans Les Misérables, il chante très bien et c'est quand même un chanteur. À la base, c'est un chanteur de grand renommé. Mais à la base, il est chanteur de tout ça. Si. Bah, moi, je trouve pas qu'il chante bien. Après, bon. Puis clairement, enfin, le film est chiant, quoi. C'est les bons sentiments, mais c'est le dégueulis, c'est mièvre, c'est niais, puis du coup tout est faux parce que c'est même pas la vraie histoire du personnage. On essaie d'embellir en fait un gros con, clairement. Et puis au-delà de ça, c'est que il y a aucune idée de mise en scène. Visuellement c'est horrible. Tout est sur fond vert, c'est que du. Parce que moi, en fait, ce qui m'a quand je l'ai vu le film, que j'ai fait ma critique et que je l'ai publié sur mon Facebook, on est beaucoup venu me dire ouais, mais alors tu mets 9 sur 10 à La La Land et puis tu mets 2 à Greatest Showman, c'est n'importe quoi. En plus, les chansons de La La Land, on les a déjà oubliées. L'argument à la con, mais c'est surtout que je sais pas, moi, si je dois comparer les deux, parce que c'est les deux comédies musicales que j'ai vues récemment. Il y en a un, je vois que c'est du décor naturel, que quand c'est en studio, c'est travaillé, qu'on tourne pas que sur fond vert, quoi. Et moi, ça me gêne que même les animaux de ce putain de cirque sont faux. Donc, je me dis, voilà, c'est au moins le truc positif du film, c'est qu'on n'a pas pris on n'a pas maltraité d'animaux pour les faire tourner dans le film, quoi. Voilà. C'est le seul point positif que j'en ai retenu. Et clairement, c'était. Ah non, c'est horrible. Moi, j'ai vraiment détesté. Je ne l'ai pas mis premier, mais il n'était pas loin. Vraiment. Et le premier, c'est. Je ne sais plus si c'est un film Netflix ou pas. Je crois pas. C'est Mom and Dad de Brian Taylor. Ouais. Et c'était assez horrible. Je regarde si ce n'est pas un film Netflix. Clairement, en gros, c'est. Non, mais oui, n'importe. Je suis en train de chercher sur Netflix et je mets Mom and Netflix, donc forcément ça marche pas. Non, en gros l'histoire c'est il y a un virus qui va pousser les parents à s'en prendre à leurs enfants. Donc c'est avec Nicolas Cage. Ouais. Et Selma Blair. C'est pourri quoi. C'est complètement. C'est l'archétype même du film Bête et Méchant. Ouais. Il y a même pas une réflexion sur sur les parents vis-à-vis de leurs enfants. Enfin, il y a même pas de deuxième lecture. Alors qu'avec un thème comme ça, tu peux y aller quand même, je pense. Non, là, c'est juste, en gros, on est infecté par un truc, on a envie de désinguer nos enfants, c'est tout. Voilà. Donc, non. Enfin, ça sert à rien. Ouais. Et moi, ça m'a profondément ennuyé. Heureusement, le film n'est pas très long, mais clairement, c'était bien pourri quand même. Ok, très bien. Voilà. Très bien, très bien. Adrien, c'est à toi. Alors, d'abord, c'est quelques déceptions, puisque déjà, on a en 9e, parce que je fais un top 9 finalement. Ouais. 9e, j'avais mis Winchester. Ouais. Alors, en fait, ça, c'est un film d'horreur qui est sorti. Avec Hélène Mirren. Pas beaucoup au cinéma. Quoi ? Avec Hélène Mirren, c'est pas ça, non ? Je crois que c'est avec Hélène Mirren, c'est ça, je me souviens plus du casting. Mais donc voilà, un film d'horreur qui se passe dans la fameuse maison Winchester, donc là, la maison qui avait été construite par l'héritière des fusils Winchester. Mm-hmm. Oui, la maison et, un peu dingue, avec, là. Avec des portes partout, aux fenêtres et au plafond et tout ça. Ouais. Et en fait, le seul intérêt du film, c'est que ça se passe dans cette maison-là. Ouais. Parce ils ont vraiment tourné dans la vraie. Tu peux la regarder dans tous les côtés. Je sais pas, mais c'est très ressemblant. Je crois pas qu'ils aient le droit. Mais au-delà de ça, c'est débile. Ça raconte rien du tout. C'est incompréhensible. À la fin, t'as 3 twists à la suite. Tu sais même plus où t'es. Et donc voilà, le seul intérêt du film, c'est de se balader dans la maison Winchester. Alors, quand ça fait aussi bien le job qu'un documentaire sur la question, c'est vrai que c'était très décevant. Parce que je pense que quand on a vu dans des films comme Grave Encounters, par exemple, où tu peux très bien faire des films où tu te paumes dans l'endroit et que ça soit effrayant, tu vois. Alors là, c'est juste con. D'accord. Ensuite, The Predator par Shane Black. Alors ce machin-là, il est pas plus haut dans le flop parce qu'au moins il était un peu drôle. Voilà. Mais alors c'est un gros nanar purulent. Ce machin-là, tout le monde se foutait de la gueule de Rodriguez et d'Adida quand ils ont sorti le Predator avec Adrien Brody. Ouais. Mais ça, je peux te dire que ça se regardait, hein, parce que ce machin-là, Predator, c'est encore pire que. C'est ni fait ni à fait. C'est d'une débilité sans nom. Il y a de l'humour à la Marvel complètement débile. Et en plus c'est moche, alors regardez, c'est, ça n'ose rien et c'est sans intérêt, c'est une espèce de Deadpool mais dans l'univers de Predator. Ok, génial. Alors ensuite, t'as Quiet Place, voilà votre machin là, sans un bruit. Ah oui. Alors ce truc là, là, moi je veux bien hein, qu'on se base sur un concept et qu'on dise faut pas faire de bruit et que ça va être ça le concept du film. Le problème c'est que si tu dois en faire autant. Dans... Non mais le musique, c'est si tu... le problème c'est que si tu mets de la musique dans le noir par dessus. Oh mais c'est ce que les gens disent sur Gravity. Oh là là. Bah, pourquoi non, ça, vrai, pourquoi mais... ça non, non non c'est autre chose. Gravity, ça... Gravity, la musique avait quand même un sens même si j'aime pas trop le film parce que ça faisait partie de l'univers et que le film était fictionnalisé. Or là, le principe de ce machin-là, c'est qu'il n'y a pas de bruit et donc personne ne doit faire de bruit. Sauf que le silence, pas une seule fois, tu le ressens parce que tu as une permanence de musique d'ambiance. Moi, je veux bien, mais ça t'enlève. C'est comme si Don Frendit, tout à coup, la caméra se mettait à voler et elle filmait les personnages. Enfin, y a un moment, il n'y en a pas au début, la scène d'intro, il n'y a pas de musique. Oui, il n'y en a pas. Oui, bah, très bien, il n'y en a pas pendant 2 minutes et il y en a pendant tout le reste. Je trouve que c'est quand même problématique. Bah, oui, mais... Et au-delà de ça, j'ai trouvé ça très bête. Voilà, moi les films qui se reposent sur leur concept, j'ai quand même un peu de mal. Alors là, non seulement ils se reposent que sur son concept, parce que à part Emily Blunt, j'ai rien trouvé à sauver. Mais alors en plus, ils se reposent mal sur son concept, ils ne s'en servent pas correctement. Dans le même genre, sur Netflix, vous voyez plutôt Hush, le film d'horreur avec, ouais. Avec une fille qui est sourde. Avec et Kate là, pour le coup, il n'y a quasiment pas de bruit dans le film, et c'est le même concept, et pour le coup, c'est utilisé avec un peu plus, je dirais, de. De pertinence, mais encore une fois, c'est pas des grosses daubes tout ça. Mais je l'ai trouvé parce qu'après, moi je l'ai trouvé frustrant en fait. Ce film, ouais, c'est frustrant, c'est ça. Je vois bien ce que ça aurait pu être. Voilà, c'est ça. Donc après, t'as Solo, voilà ce machin là. Ouais. C'est bon, tu sors un Star Wars un par an, très bien, admettons. Ouais. Si c'est une daube par an, c'est déjà limite. Mais alors, ce machin là, c'est ni fait ni à faire. C'est pareil, c'est pas plus haut dans le top parce que c'est pas trop mal réalisé. Non, mais ça, si c'est mal réalisé, on voit rien du tout. Un plan sur deux, c'est hyper sombre. Ouais. Mais non, c'est plus une question de. C'est pas mal écrit, tu vois, c'est juste pas écrit quoi. C'est à dire que ça, c'est un film qui raconte rien, qui a rien à dire. C'est même pas joué, les personnages sont même pas écrits. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils jouent, ces pauvres acteurs? C'est ennuyeux à mourir. Alors t'as une scène un peu rigolote où t'apprends comment Han Solo a trouvé son nom et en fait c'est parce qu'il était tout seul dans une cabine et que t'as un mec qui lui dit ah vous vous appelez comment Han et vous êtes tout seul oui bah alors Han Solo voilà c'est comme ça qu'il a eu son nom on est très content et il y a plein de machins comme ça il te file les origines de tout dont t'as rien à foutre genre les pauvres dés qui pendent dans le vaisseau là c'est parce qu'il les a récupérés c'est sa copine qui lui a filé enfin t'en as rien à foutre tu vois et pendant tout le film c'est comme ça et t'as Woody Harrelson le pauvre là qui est devant alors lui il devait payer ses factures je crois il joue encore plus mal que dans Hunger Games et là vraiment t'as l'impression qu'il s'endort quoi, tu vois et voilà mon Solo t'en ressens un peu médusé mais voilà c'est moins une daube que Jurassic World 2 qui est mon cinquième. Parce que là, ça devient vraiment con. Tu vois. C'est-à-dire que Jurassic World 2, donc Fallen Kingdom. Alors je sais que Eddie, il aime peut-être bien ça, on en a déjà débattu, mais moi, voilà, je suis désolé, je trouve ça juste trop con. Quoi. Alors c'est pas mal réalisé, c'est peut-être le truc que je sauverais. Il y a quelques beaux plans, mais alors quand tu sais que c'est Bayona qui a fait ça, tu te dis qu'en fait, c'est la Bayonette. Quoi. C'est-à-dire que, à mon avis, on lui a mis le fusil dans l'eau et on lui a dit réalise ça, tu vois. Bah, de toute façon, oui, c'est un film de non, mais de studio, Bayona nous prend un peu pour des jambons. Et là, c'est vrai que c'est juste très mauvais. Quoi. Et alors, oui, t'as peut-être des dinosaures qui ouvrent des portes, t'as des échelles qui apparaissent dans le plan. C'est mal monté, t'as un ou deux plans pour faire pleurer dans les chaumières avec le dinosaure qui s'éloigne et qui va crever dans le volcan, ils sont tous morts, hein, le dinosaure va mourir, t'en as rien à foutre. Ah bah et, non, moi j'en avais pas rien à foutre, et, non. Et voilà, bon, c'est moins con que, c'est sans doute moins con que Jurassic Park 3, mais. Ah oui, mais, non, genre, mais clairement. S'il pouvait arrêter d'en faire, ce serait aussi bien, quoi. Ouais. Je veux dire, il y a un moment, si Trevorrow il fait un meilleur film que Bayona, il y a quand même un problème, quoi. Mais donc voilà, c'était pas très bon. Mais je préfère c'est un film qui me fait un peu rigoler et qui est un peu un navet comme celui-là plutôt qu'entre. Non, t'as 2. Dit que c'était plus con que Jurassic Park 3. Non, Jurassic Park 3. Quand même. Mais voilà, je préfère un film qui me fait un peu rigoler et qui est un peu un navet comme ça plutôt que Ant-Man and the Wasp, qui est mon quatrième film. J'ai pas vu. Alors là, pour le coup, tu parlais tout à l'heure et dédié de films qui servent à rien. Alors celui-là, il a la palme d'or. Hein. Oh là là là. Oh non, mais c'est terrible. Il se passe rien du tout. Mais vraiment, tu te fais chier pendant 2 heures. T'as aucune intrigue. T'as aucun personnage. Y a rien. C'est Marvel qui m'a pris plus mon pied cette année. Ah ouais? Ah non, mais tu vois, t'as, dans la bande-annonce, t'as où est-ce que vous étiez pendant Infinity War? Alors, tout le monde en a rien à foutre parce que personne n'en a rien à foutre d'Ant-Man. Mais alors là, le film, il en a tout à fait conscience, hein. Oh là là, ils ont tous les d'accord. Ah non. Je suis pas d'accord. Pendant Avengers, j'ai fait, mais il est où Ant-Man? Il est où? J'aurais préféré pas savoir où il était. Parce que si c'est pour se taper 2 heures de tunnel de dialogue incompréhensible, donc de toute façon, on s'en bat les couilles. Et voilà, pendant tout le film, t'as des espèces de machin avec Michael Douglas, une espèce de sous-intrigue quasiment quasi intéressante avec sa femme, il va la chercher dans le vide de je sais pas quoi, machin. Enfin, t'en as rien à faire pour tout le film, tu vois. Et alors, t'as une scène post-générique un peu cynique où il se retrouve coincé dans le néant de l'univers subspatial ou je sais pas quoi, parce que évidemment tout le monde est mort sur Terre parce qu'il y a Infinity War. Et c'est le seul intérêt du film. Donc, quand le seul intérêt de mon film, c'est la scène post-générique, tu dis quand même qu'il y a un problème. Mais c'est moins pire que mon top 3. Et du coup, dans la logique du MCU, il faut le voir quand même, je pense. Bon, tu vois la scène post-générique, ça sera très bien. Très sincèrement, c'est le seul. Oui, honnêtement, c'est la seule bonne scène du film. J'ai adoré le film, mais c'est vrai que si on voit pas, c'est pas grave. T'es pas handicapé. Voilà, c'est super. Enfin, ça handicape rien. C'est vraiment l'épisode filler. Ils se sont dit, il nous en faut un pour cette année. Quoi. Non, tais-toi. T'as un top 3. Alors là, Morgane, tu vas être très content. Parce que j'ai pas mis House That Jack Built en premier, je l'ai mis qu'en troisième. Et alors ce machin-là, alors Nymphomaniac, c'était déjà épouvantable, mais alors là, t'as une prétention, mais c'est incroyable. T'as toujours cette espèce de putain de voix off là qui va commencer à t'expliquer ce que tu dois comprendre du film, alors comme en plus Von Trier, il a aucune idée de l'intérêt de son propre film. Von Trier. L'explication philosophique qu'il te fait que tu vois, c'est complètement con, et ça pourrait être beaucoup mieux s'il la fermait, tu vois. Sauf que quand la voix off t'explique en permanence ce que tu dois comprendre et que c'est super con, tu t'ennuies, mais à crever, et en plus tu trouves ça prétentieux. Alors c'est divisé en actes, tu comprends pas bien pourquoi, il y a des meurtres assez anecdotiques, c'est même pas esthétique, tu vois, c'est juste qu'il y en a, voilà, il y a une fille, il lui tape sur la gueule, et voilà, c'est bon, ça fait un mort. Bon. Bah oui, c'est ça. Moi je m'attendais au moins à ce que ça soit un peu rigolo, tu vois. Mais c'est drôle. C'est drôle beaucoup. C'est drôle. De scène un peu chelou où il poursuit des gamins et où il snipe des gamins et une femme avec un fusil, pareil, tu comprends rien. Tu sais pas pourquoi. Mais oui, c'est ça. Il y a pas de raison. Non, mais très bien. Mais voilà, moi, genre, je trouve ça complètement con. Et en plus, le pire, c'est que c'est prétentieux. Si c'était un film d'horreur juste comme ça, un peu marrant, avec un mec qui tue des gens à la machette, ça serait rigolo. Mais non, en plus, il se la pète. Mais alors, au dernier degré, Von Trier, il est convaincu qu'il fait un truc génial. Oui. Et alors t'as des explications en voix off interminables pour pourquoi il fait ça. Alors t'as cette espèce de poncif. Oh, le meurtre, c'est aussi une forme d'arme. Et tous les psychopathes des films d'horreur des années 80, ils l'ont déjà dit, hein, ça. Donc alors on te le répète pendant 2 heures en voix off. Même pas 2 heures, beaucoup plus que ça. 2h30, tu vois. Il dure 2h30. Enfin 2h20. Oh, non mais il va toujours moins long que l'Infomaniac, hein. Mais il s'est pas offert un film. Et en fait au final c'est une espèce de même pas, c'est même plus métaphorique d'un voyage aux enfers. C'est quasiment, il y a Charon. Alors là il y a ce pauvre Bruno Gantz, lui pareil, il doit payer des factures, je pense. Bah c'est lui la voix off dans le film. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a Charon. Finalement il y a Charon et puis une histoire de lac. Et à la fin ça finit dans un machin en CGI là, avec des volcans et des trucs là. Bah c'est l'enfer. C'est couillon, mais t'as pas idée. Non mais je suis d'accord avec toi. Ça a aucun intérêt. La fin, pour moi, elle est de trop, mais je l'ai mis quand même dans mon top parce que il s'est fait un trip débile. T'imagines, Snyder, il l'aurait mieux fait. Hein. Snyder, l'imagerie christique, ça le connaît. Là, il aurait pas été subversif, Snyder. Il est subversif, je t'en prie. Le meurtre est une forme d'arbre, très bien. C'est hyper subversif. Il tue un gamin dans le film. Bon, ok, n'importe qui dans les années 80, il fait pareil. Attends, par les temps qui courent, en plus, il s'adapte. Attends, quand même, preuve aussi. Mais t'as vu Hérédité ? T'as vu même dans Annabelle 2, les gamins, ils meurent maintenant. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. De cette manière-là, quand même, on voit quand même la jambe du gamin. Enfin, non, mais c'est pas que ça. Même par les temps qui courent, parce que justement, à l'heure dans où. Dans Annabelle 2, elle se fait couper en deux, la gamine. Féminisme et tout. Toutes les femmes il ose être misogyne, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien. Ah, mais il ose carrément mais ça. Je suis très content. Regarde. Uma Thurman, elle est bête comme ses pieds dans le film, quoi. Non, mais justement, Lars von Trier, oui, mais toi tu trouves que c'est une qualité. Moi je suis très content parce que dans la vraie vie, Lars von Trier, il fait des blagues où il dit qu'il kiffe Hitler, et dans ses films, il dit que les femmes c'est toutes des débiles. Moi je suis très content pour Lars von Trier, j'adore vivre dans son monde. j'aime beaucoup Mélancolia, c'est parce que c'était poétique, mais là c'est ni fait ni à faire. Mélancolia, et en plus c'est mal réalisé. Il y a même pas un bon plan dans le film. Ça c'est une nouveauté, c'est même plus faire le cinéma. C'est-à-dire, il tient la caméra et il filme Matt Dillon. Alors ce pauvre Matt Dillon, c'est un bon acteur, mais là il joue pas, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Moi j'ai pas vu le film, mais pourtant je pense qu'il y a quand même plus de. Pareil, il y a quand même plus de cinéma et de mise en scène dans un film comme celui-ci que dans un truc comme Un Friday, quand même. Désolé. Ah non, pas du tout. Mais non, tiens une caméra, c'est tout. Non, t'inquiète. Hein. Et mais tenir une caméra. Le dernier plan, tu peux pas dire que le dernier plan. Le dernier plan est magnifique. Ah bah oui, c'est magnifique. Hein, j'adore. Et puis non, mais après, tout ça pour dire que c'est pas au niveau des daubes que j'ai vu. C'est pas au niveau des daubes que j'ai vu après. Mais disons que c'était bien. Fou, j'ai passé un bon moment. Adrien, c'est ce côté égo trip. Évidemment, c'est un égo trip. Regarde. Je m'en fous des égo trips. J'ai adoré. Non, mais Mais oui, mais justement, parce que je me doute bien. Je sais que Lars von Trier, voilà, c'est il faut pouvoir le prendre, si je puis dire. Mais je c'est peux le prendre, que... mais, y a, ouais, mais là de, entre ça et Nymphomania, qui fait même plus du cinéma, von Trier, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est autre chose. Bah, moi, j'ai, par exemple, ce qu'on a reproché, alors je sais pas si toi tu y reproches ça aussi, il y a une scène dans le film où il parle de la violence, c'est ça aussi, son rapport à la violence. Et pour dire que au cinéma, on aime bien voir des choses violentes parce que nous, en tant qu'humains, ça nous fait kiffer. Mais t'as clairement déjà vu Duane Lecoeur, il le disait déjà dans Funny Games, hein. Il invente rien, von Trier, il reprend des trucs qu'il a vu ailleurs, moins bien. Après il est peut-être, cinéma, pas, il est peut-être que... pas obligé d'inventer aussi à chaque fois. Non, mais d'accord, mais si c'est pour enfiler des bons chiffres, autant qu'il mette pas de voix. Mais non, je pense justement que, un peu comme Neon Demon à l'époque, je pense que le personnage de Matt Dillon, c'est son espèce d'alter ego, parce que il y avait du cinéma, c'était filmé, quoi. Quand à un moment donné, dans le film, il parle de la violence au cinéma dans les fictions, on voit des images de films, c'est que des films de sa filmographie. On voit Mélancolia, on voit Antichrist. Ah oui, non, mais je sais bien, en plus il se regarde au nombril, alors c'est formidable. Mais non, il se dit lui-même qu'il aime bien la violence. Et que nous justement. Très bien, mais c'est mal dit. Ah peut-être, peut-être, ça je suis d'accord. Ah ouais, mais il y a un moment, si ton message il est déjà délit par d'autres et qu'en plus tu le dis mal. Mais évidemment que je préfère un Funny Games. Quand je suis sorti du film, j'étais pas convaincu à 100%. Je me suis dit, putain, la fin elle est trop. La fin pour moi elle était un peu bête. J'avais adoré pendant 2 heures. Les 30 dernières minutes, il m'a perdu. Mais il me reste des choses de ce film-là. Il m'a marqué. Matt Dillon, je suis très marqué, heureux, clairement. Hein. Enfin, je comprends tout à fait. Je dis pas du tout que tu as tort, mais je dis simplement que. Non, moi je le dis, t'as tort. Lars von Trier, ça fait débat, vous voyez. Non, mais bien sûr que ça fait débat, mais je préférerais. Ça serait bien que de temps en temps, il sorte un film qui fasse pas forcément débat aussi. Il est pas capable, il met du pseudo subversif dans tous ses trucs, même Mélancolia que j'adore, il est bourré de ça. Donc il y a un moment. Ce mec qui vit pour le choc, hein, von Trier, faut bien le dire quand même. Mais donc tout ça pour dire que voilà, bon, c'est pour moi c'est extrêmement médiocre et j'aimerais bien qu'il arrête de se regarder le nombril et qu'il nous fasse un peu des trucs poétiques à la Mélancolia, ça lui ferait du bien et à nous aussi je pense. Donc alors après, bon bah alors là t'as les deux dernières daubes, alors ça c'est deux blockbusters, alors c'est du jamais vu. C'est quoi ? T'as 50 millions, t'as des deux blockbusters. Oui. Alors là, t'as 50 nuances plus claires. Alors c'est vachement machin là. En même temps, je te retourne ce que tu disais à Morgane tout à l'heure, mais à quoi tu t'attends ? Je les ai vus tous les trois et j'étais quand même déçu. Parce que voilà, le deuxième, enfin, c'était une daube incroyable, tu vois, mais c'était quand même un peu drôle. Là, le seul truc drôle, c'est qu'à un moment, il s'étale du Ben & Jerry's. Voilà, ça c'est drôle. C'est très bon, mais oui, bon, admettons. Mais alors c'est un film qui est d'une stupidité, mais alors ça finit, je vous jure, hein, la fin, c'est un clip de leurs meilleurs moments passés ensemble. Oh, c'est pas dit pendant ça, mais tu vois, ça, c'est du cinéma, avec une petite... ça. Oh, mais oui, c'est du cinéma, oui. Moi, je te fais ça mais avec, non, mais je rigole, avec je l'ai Windows, même pas Windows Media Maker, machin. Ah, moi, j'utilise iMovie, je te fais mieux que ça. Hein. Non, mais... Alors là, c'est vraiment une stupidité. En plus, c'est même pas drôle. C'est le deuxième, il était drôle. Là, c'est vraiment... Alors là, est-ce qu'ils vont se marier ? Est-ce qu'ils vont pas se marier ? Ah oui, non, mais il y a des trucs comme ça. Alors, t'as une scène qui est formidable, parce qu'en plus, ça sort l'année des Weinstein, tu vois. Alors ça c'est juste formidable. T'as un moment où elle veut conduire la bagnole et lui il lui dit oh bah non tu peux pas c'est ma bagnole. Alors tu comme tout dope tu t'attends à ce que la scène d'après ça soit ah oh, bah elle conduit la bagnole quand même c'est une blague. Alors non en fait c'est lui qui le conduit parce que c'est lui qui décide tu vois. Ouais. Et t'as que des trucs comme ça. Alors pendant tout le film il se répète oh je vais t'aimer inconditionnellement. Ça on l'a bien compris. Il a beau te faire tout ce que tu veux et te regarder pendant la nuit pendant que tu dors. Il a beau te regarder dans la nuit pendant que tu dors, t'inquiète pas, tu l'aimeras quand même. Ça on l'a compris. Hein. T'es complètement foutu, ma pauvre fille. mais là, c'est vraiment, mais ça a aucun intérêt. En plus, c'est mal joué. Alors les deux acteurs, ils se détestent. Alors c'est mal joué, mais ça a crevé. Tellement c'est mal joué, ça a plus aucun intérêt. Enfin voilà, mais vive le cinéma en 2018. Moi, je sais pas ce que je vais voir l'an prochain. Enfin si, je sais, on le verra dans les attentes. Mais là, vraiment, c'est formidable. Enfin, ça commence plus clair. C'est vraiment un grand moment de cinéma, ce machin. Et donc là, tu finis. Alors là, c'est vraiment le numéro 1, c'est la perle. Mais c'est la perle, c'est Venom. Alors ce machin-là, c'est ce que je disais avant d'enregistrer. C'est le Electra de 2018. C'est vraiment de ce niveau-là. T'as jamais vu un truc pareil. Mais à côté, Homecoming et des machins comme ça, là, je passe mon temps à les pourrir. Mais à côté, c'est des chefs-d'œuvre. Attends, tu vois Venom, la première fois que tu vois, le film fait quelque chose comme 2 heures. Hein. Venom, tu le vois au bout de 1 heure, le film. Une heure, tu te fais chier. Les 15 premières minutes, c'est le symbiote qui tombe sur Terre, et puis on te présente un peu les personnages, et après, t'as un carton quelques mois plus tard. Il s'est rien passé. T'as un carton, t'as une intro, il s'est rien passé avant, tu vois. Alors déjà, tu te dis, t'es foutu. Mais alors, il y a des trucs, mais c'est un espèce de gros nanar. C'est ni fait ni à faire. Tom Hardy, il n'a jamais aussi mal joué de sa vie, mais t'as jamais vu ça, tu vois. C'est terrible. C'est extrêmement mal réalisé. C'est-à-dire que soit c'est sous-exposé comme solo et tu vois rien, soit c'est surexposé et là, t'étais content de rien voir. Parce que c'est hyper moche. Mais alors, c'est du numérique, mais, mais à côté de Justice League, les effets spéciaux, ils étaient même pas finis, c'était déjà plus beau, tu vois. Mais alors c'est terrible, c'est terrible. Et t'as pas un truc qui va, les personnages, il y en a pas un qui est écrit, même Venom il est pas écrit. Alors t'as un moment, Venom il est méchant, tu vois, il est très méchant Venom, c'est symbiote, tu vois. Et puis il y a un moment, ils vont sauver le monde. Alors le scénariste il y a pensé. Et du coup il y a Eddie Brock, donc celui que Venom contamine, il demande bah, pourquoi on va sauver le monde. Et Venom c'est parce que j'ai envie. Voilà, c'est vraiment juste ça, tu vois, c'est les justifications du film. C'est j'ai envie d'aller sauver le monde alors que je suis un gros bâtard de symbiote qui bouffe la tête des gens. Ouais. C'est la cohérence du film. Et voilà, alors ça finit par un moment pseudo-cynique. Le film a un intérêt, qui est la scène post-générique, puisque c'est une scène de Spider-Verse. C'est tout, c'est tout. Et encore, c'est une scène de Spider-Verse, c'est un bout de scène, tu vois. C'est un truc, t'as pas le contexte, ni de début ni de fin, et ils te le montrent. Bon, admettons, ils ont même là, ils ont pas réussi à faire... Est-ce que c'est pas un peu le problème de ces films où, finalement, des méchants, mais on leur fait faire des trucs de gentils, quoi? Parce que Suicide Squad, c'était absolument le problème aussi. Oui, mais Suicide Squad, il y avait plus de... Je trouve qu'il y avait quand même plus de... C'était pas tellement des méchants, on faisait faire le truc de gentil. Il se trouve qu'il y avait une plus grande menace et que, voilà, quand il y a une plus grande menace, c'est aussi leur survie qui était en jeu parce qu'ils avaient ce machin-là qui faisait que s'ils le faisaient pas, leur tête elle explosait, tu vois. Donc il y avait quand même un enjeu pour eux dans Suicide Squad. Là, c'est vraiment, il a envie, quoi. Ouais. Tout à coup, il a plus envie d'être méchant. Alors quand tu connais Venom dans les comics, je suis pas un ayatollah des comics, mais là, c'est un non-sens absolu. Et enfin, c'est con, quoi. Enfin, j'ai jamais vu un truc pareil. Enfin, il y a un moment, quand ton film il est pas réalisé, il est pas écrit, il est pas joué, mais mal fait en plus. C'est-à-dire que c'est même pas solo qui est juste anecdotique, tu vois. Là, c'est vraiment les gens ils vont s'en souvenir, je peux te dire. Et alors les chiffres que ça a fait, bah alors c'est un carton absolu. Je veux dire, à côté le Spider-Verse, il a fait des chiffres misérables, tu vois. Tu te dis, là ils vont revoter Trump une deuxième fois les Américains. Parce que là, c'est j'aime pas mépriser le public, mais là tu comprends pas. Ah, tu comprends pas pourquoi c'est fait ces scores-là. Il y a vraiment des gens qui ont été voir ça au cinéma. Moi, j'ai pas été le voir au cinéma. Je l'ai piraté, fièrement. Alors, j'ai trop hâte. Attends, j'ai eu envie d'envoyer la photo à Dopi pour leur dire ah, regardez ce que j'ai fait. Punissez-moi. Non, j'étais déjà suffisamment puni. Merci de ne pas m'envoyer d'amende en plus. Donc voilà, tout ça pour dire voyez Venom, c'est génial. C'est génial. Enfin, vraiment, okay. C'est ce qu'il faut. Il faut voir ça en fin d'année. Venom, the movie aussi. Mm-hmm. Très bien. C'est à mon tour. Je vais me faire beaucoup d'ennemis durant cette partie. Donc, dans ce podcast non, durant cette partie-là du flop, j'ai que 5 flops, mais c'est des films... Il n'y a pas que des vraiment mauvais films, mais c'est aussi... j'ai aussi un coup de gueule par rapport au film aussi, parfois. Le cinquième, c'est Mowgli, la légende de la jungle. Le machin dans le Serkis, ouais. Déjà qui est sorti sur Netflix au lieu de sortir au cinéma. C'est con, ça aurait pu être bien ça. Ouais, ça aurait pu être bien et on sent le potentiel, mais il y a tellement de trucs. En fait, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en fait dans le film. Principalement les acteurs qui surjouent, surtout Benedict Cumberbatch, qui je crois que j'ai jamais vu autant surjouer. Mais surjouer un tic, c'est vrai que c'est pas évident quand même. Mais ouais, mais il a la gueule, enfin, comme je l'avais dit dans le dernier podcast, il a la gueule ouverte pendant tout le film, quoi. Et vraiment, tu sens l'effort qu'il fait pour prononcer des syllabes, vraiment. Et c'est compliqué, quoi. C'est limite du nanar au niveau du jeu d'acteur, parfois. Et donc. Ah, mais quand même, c'est ce niveau-là. Ouais, franchement. Visuellement c'est pas dégueulasse, mais il y a certains plans qui sont pas non plus ouf, et c'est en fait c'est très partagé. Il y a des moments qui sont très beaux et il y a des moments où tu te dis mais comment ils ont pu mettre ça à côté de des moments qui paraissaient plus jolis, mieux faits en fait, et on sent qu'ils ont pas eu le budget pour faire totalement, enfin pour remplir totalement la vision qu'ils avaient de leur projet. Et voilà, c'est dommage en fait, parce que ça aurait pu être un bon film un peu différent de ce que Disney proposait, mais finalement c'est quand même assez décevant. On passe au quatrième, qui est Ready Player One. Voilà. dans mes attentes de 2018, c'était il me semble le troisième ou le quatrième. Attends, des attentes mais avec crainte, hein. Voilà, attente avec crainte, et crainte que j'ai trouvé justifiée. Et finalement, ouais, c'est un film qui m'a beaucoup déçu, que je me suis pas mal ennuyé devant. J'ai trouvé ça trop... Enfin, comment dire ? Déjà, j'ai trouvé ça malhonnête. On avait parlé de la fin du film, que je trouve très malhonnête par rapport au message du film général. Mais c'est pas non plus ce qui m'a beaucoup dérangé en fait, c'est la surutilisation justement des références et pour pas grand chose en fait, pour arriver à quelque chose qui est vraiment parfois un peu de la bouillie numérique. La bataille finale, c'est vraiment enfin moi je me suis vraiment fait chier quoi devant cette bataille finale. Je trouvais pas d'enjeu, voilà, c'est... Bref, je me suis pas mal ennuyé devant ce film, et surtout, ça m'a surpris, surtout venant de Steven Spielberg. Alors bien sûr, il y a quelques moments qui sont quand même bien réalisés, etc. C'est pas non plus la pure purge de l'univers, mais je m'attendais, enfin, clairement, voilà, je m'attendais à quelque chose d'autre de la part de Steven Spielberg, et il me l'a pas donné, donc voilà. Alors juste, si je peux dire deux mots sur Ready Player One. Juste pour dire qu'il n'est ni dans mon flop ni dans mon top, parce que je trouve que c'est un film qui m'embête un peu parce qu'il est très réussi d'un point de vue formel, mais il est arriéré au niveau de du fond. Quoi. Et donc le problème, c'est que moi, si le fond était au niveau de la forme, ça aurait été dans mon top, et si la forme était au niveau du fond, ça aurait été dans mon flop. Donc tout ça pour dire que moi, c'est plutôt une surprise, parce que j'ai moins détesté que ce que je pensais, mais oh là là, qu'est-ce que c'est réel, et puis qu'est-ce qu'on nous bassine avec ce film en plus. Ah mais c'est insupportable, dès que tu dis un mot, c'est t'as rien compris, t'as machin, tes trucs. C'est un peu le... Moi je trouve que vous avez rien compris. mais voilà, tout ça pour dire que je comprends ce que tu dis sur le film, et je crois qu'on en avait bien débattu d'ailleurs, mais c'est vrai que moi c'est pas dans mon flop, parce que tout simplement... j'essaie de pas mettre des films qui sont réalisés à ce point correctement dans mon flop. Ouais. Non mais je comprends. En troisième, Solo, Star Wars Story. Ah oui. Ouais, franchement. L'autre. C'est déjà un film que je voulais pas aller voir, mais alors en plus me décevoir sur un film que je voulais pas voir, c'est compliqué. Ah, je me suis tapé en projet. C'est compliqué. Voilà, non mais c'est vraiment. Ça a été un peu le film du divorce pour moi, avec l'univers de Star Wars. Au moins avec Star Wars, c'est celle qui était déjà consommée. Ouais, mais t'as bien aimé le 8. Absolument, du coup, je me suis un peu remarié, mais là, je les ai requittés aussi sec. À mon avis, Abrams va faire la même chose que sur le 7. Mais, non, mais en reniant totalement le 8, donc... En fait, les parents de Rey, c'est... Non, mais du coup, voilà quoi. Solo, c'est même pas un vrai film, quoi. C'est un film recollé au scotch qui a été. Enfin voilà, on sent des inégalités au niveau du montage, au niveau de l'écriture, les acteurs. Ouais, et encore. Hein, moi, il y en a qui disent qu'il y a un peu de Lord des Miller dedans. Moi, je vois pas. Moi, à mon avis, ils ont tout refaire parce que j'ai pas vu de moment de génie comme on pouvait en voir dans Ant-Man, tu vois. Ouais. Donc. Ouais. Le premier, ouais, par rapport à Edgar Wright, on voyait quand même qu'il y avait 2-3 idées de mise en scène un peu intéressantes. Là, c'est vrai que il y a les mecs qui ont fait qui sont passés derrière, mais pas une seule fois. Il n'y a pas la patte Phil Lord, Chris Miller, ça c'est clair. Voilà, je trouve ça c'est d'une bêtise sans nom, clairement. Déjà, le film, personnellement... m'intéressait pas, mais je trouvais pas l'intérêt en fait du film, je voyais pas l'intérêt. C'est ça aussi surtout, moi je le dis depuis le début, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'Han Solo? Ouais, mais clairement. Et Non mais ça aurait pu être intéressant. Moi Rogue One, j'en avais pas grand-chose à foutre non plus, tu vois, j'ai plutôt bien aimé. Mais Rogue One, c'était c'est lamentable. Je trouve qu'un élément qui est traité comme celui de Rogue One finalement a plus d'importance et beaucoup plus d'incidence aussi, par exemple. Sur l'histoire, enfin, c'est des choses qui sont plus intéressantes, je trouve, à découvrir Han Solo. Ouais, alors que là, c'est un lactimel, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. C'est clairement ça. Mais Han Solo, le truc, c'est que en personnage secondaire, il est cool, quoi. Mais en faire un héros de film, on se rend bien compte que. C'est un très bon personnage secondaire. Il a pas d'intérêt. Ouais, il est supposé être égoïste et tout ça, il n'arrête pas de sauver des gens et tout ça. En plus, c'est même pas écrit, ils connaissent même pas correctement leur personnage. Ça trahit énormément Et puis l'acteur est pas bon. Ouais, ouais, non, mais Alden Ehrenreich, c'est pas. Ça, c'est un autre problème. Ça. Non, mais ouais, je trouve que les acteurs sont pas bons dans ce film non plus. Enfin. Alors, Emilia Clarke, alors moi, je veux bien qu'on me dise que je crache toujours sur Game of Thrones, hein, mais vous me direz le jour où elle a été bonne, cette actrice. Hein. Dans la pub Dolce & Gabbana. Oh, ben non, mais encore. Hein. Alors, vraiment, entre ça, bah, Charlie et Thor, et oh là là là. Non mais ouais. Quando, quando, quando. Et le twist avec Dark Maul et tout ça, ouais, avec non, et... Ouais. Chut, il spoil. Tout le monde l'a vu. Ouais, voilà, tout le monde l'a vu et puis. Ouais, même, peut-être pas parce qu'il a pas marché. Après, voilà, c'est la bonne chose de Sim, c'est que vu qu'il s'est cassé la gueule, peut-être que Disney va ralentir. Ouais, ouais, bah ils vont ralentir. Ils ont dit qu'ils arrêtaient la production des spin-offs pour l'instant. Bah, ça c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'ils partaient sur Boba Fett. Surtout, ouais, ils partaient aussi surtout sur Ben Kenobi sans McGregor. Alors là, c'est pareil, ça allait être un bon chef-d'œuvre. Ça. T'imagines, ils t'auraient dit alors on a pris Thomas. Non, mais voilà quoi, Solo, c'est vraiment le film. C'est voilà, pour moi, c'est le film du divorce avec Star Wars. Star Wars, je pense qu'on attend plus, je pense, ce que Rian Johnson fera sur une nouvelle trilogie. Et ouais, maintenant, l'idée, c'est peut-être de se détacher finalement des Skywalker aussi, d'aller vers autre chose, quoi. Ouais. Je pense que l'univers de Star Wars est suffisamment riche pour qu'on puisse raconter autre chose que toujours rester sur les mêmes trucs. Ouais. Quoi. Moi, ça me gênerait pas de revoir une nouvelle histoire un peu plus canon. Oui, bah, c'est ce qu'on demande depuis des années, quoi. Mais moi, ils peuvent parler des Skywalker, ça ne pose pas de problème, mais qu'ils le fassent correctement, quoi, c'est tout. Non, mais même, on a un peu fait le tour, quand même, je trouve, aussi. Voilà. Oui, on a fait clairement le tour. Ouais, trois trilogies sur les Skywalker. Pour moi, le huitième, c'est la fin. Hein. Je vois très bien ce que ça peut raconter, le neuvième par rapport aux Skywalker. Ils sont tous morts. Alors, moi, je viens, mais... À part si on apprend que Rey, c'est la descendante, et là, vraiment, je me tirais une balle. Mais après, a priori, c'est plus Skywalker dans le neuvième. Ou alors, il y a un truc qui m'a échappé. De toute façon, il faut s'attendre à des trucs comme ça. Hein. Dans la mesure où, les derniers Jedi n'y a pas plu aux fans hardcore de Star Wars... Bon, la plupart, hein, quand même, il faut s'attendre à ce que les scénaristes renient complètement la vision de Rian Johnson. Et en plus, il le montre bien. Hein. J.J. Abrams qui revient, c'est à nouveau, c'est rejoué sur la sécurité et ce sera. Ah, j'aurais carrément préféré Trevorrow, moi je te le dis tout net. Hein. Même si Jurassic World. Peut-être qu'il aurait été capable de. Ouf, j'aurais vraiment préféré. Hein. Lui, il aurait osé faire des trucs comme moi. Oui, c'est vrai. Oh là là, ils ont pris Jean-Michel Tacheron, là. Non, Jean-Michel Tacheron. Ah, mais Abraham, j'aime beaucoup ses premiers films. Mais là, il est devenu une espèce de caricature de lui-même. Il est plus foutu de faire un film correctement. Non, c'est difficile. Quoi. Bref, tout ça pour dire que, voilà, moi et Star Wars, c'est fini. C'était une belle histoire d'amour, mais malheureusement. C'est pas fini. Si, c'est fini, j'en peux plus. Ouais, moi je me dis ça pour le 7, tu vois. Non, mais... c'est toujours de l'espoir. Voilà, mais bref, c'est quelque chose. J'ai beaucoup. Tu reverras les autres avec plaisir. Oh, bah oui. Ouais, le 4, le 5 et le 6, et puis voilà, tant pis. Ah oui, c'est vrai, oui. Oh, le 3ème, non, peu. Non. Ensuite, on continue avec un film qui va faire du mal à Adrien, et j'en suis désolé. Mais tu rigoles, dans Top 1 tu vas mettre un truc qui me plaît, c'est quoi ce squad dans Top 1 Non. Enfin, si, peut-être, je sais pas, ça te plaira peut-être. Enfin, le fait que j'ai eu les couilles de le mettre en premier, mais bon, on parlera ça après. Et parce que t'es en top combien là? J'en ai 5. Donc là, je suis au. Ah oui, t'en es au combien là? Au deuxième. Premier. Ah ok, deuxième. D'accord, t'as bon. Donc, Halloween de 2018 de David Gordon Green. Ah voilà. Oui, bah non, ça me choque pas. Film qui m'a déçu, qui. J'en attendais plus, j'ai trouvé ça très con. Là, tu l'as mis en premier, il est un peu là. Boiteux, hein. Très honnêtement, je l'aime bien, mais il est un peu boiteux. Voilà, c'est très dommage ce qu'ils en ont fait. Ils auraient pu, enfin, le fait d'avoir de nouveau Laurie Strode, etc. Enfin. Oui, après c'est ni Résurrection, ni Halloween 6, ni voilà. On a vu ouais, pire. Mais... Oui, non, mais bien sûr, non, mais on en a parlé dans le podcast hors série sur Halloween. Ouais, mais voilà, moi c'est un film que j'ai trouvé ça con. Je me suis emmerdé devant, mais vraiment. Là, vraiment, je crois que c'est le film qui m'a le plus emmerdé, où je me suis plus ennuyé en fait de toute cette année. Attends, t'as vu Solo et tu t'es plus emmerdé devant Halloween que dans Solo. Ouais. Non, mais comment tu peux. C'était proche, mais Halloween, quand même, j'ai regardé plus ma montre ou mon téléphone que. Ah ouais, c'est vrai. Que sur Solo, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu con, enfin vraiment con au niveau de l'écriture. Les personnages ont pas de personnalité en fait. C'est un peu des feuilles blanches et c'est un peu dommage quoi. Pour une saga qui est aussi mythique que Halloween, surtout sachant qu'il y avait derrière quand même de la qualité quoi, David. Gordon Green, John Carpenter. Oui, c'est des mecs qui savent faire du cinéma. C'est pour ça que le film est pour moi, c'est vrai que dans un flop, j'ai du mal à saisir parce que c'est vrai qu'il est, il est réalisé quand même, quoi. Oui, bien sûr. Je comprends tout à fait que ce soit décevant. C'est un film qui est un peu qui est boiteux de toute façon. Donc voilà. Et en premier, le film que j'ai le plus détesté cette année. parce que tout le monde l'a adoré, c'est pour ça que je me fais des ennemis. Ouais, je vois pas. C'est Avengers Infinity War. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Ah, moi je l'ai revu, tu vois, ça m'a pas. Je trouve que la hype était beaucoup trop forte. Non, mais pour, ça, oui, pour toujours. Ce que c'était en fait. Je me suis. Ouais, non, là j'ai passé un très mauvais moment devant ce film parce que déjà j'avais pas envie de le voir et là c'est un peu comme Star Wars en fait. Mais c'est dingue quand même de se dire qu'il y a 4 ans enfin t'étais à fond dans Star Wars et Marvel et là oui vous disiez même du bien de Civil War il me semble hein, il y a un peu de temps. J'ai toujours pas vu Civil War tu vois. Ah bah moi je le trouve toujours bien Civil War. Ah ouais, non, moi je l'ai revu, pour le coup il se revoit assez mal, je trouve. Mais non, mais là, Avengers Infinity War, c'est vraiment le film. C'est le film blockbuster qui m'a vraiment emmerdé à 100%. C'est. Comment dire en fait, le fait qu'on nous ait tellement vendu Thanos, etc., machin, le fait que. Non, mais surtout, c'est très malhonnête, quoi. C'est un film qui est très malhonnête, faut le dire. Ouais, oui, c'est vrai. Mais, enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça. Enfin. J'ai même pas les mots tellement ça m'a pas énervé parce que j'étais un peu. Morgan est décédé, non? C'est ça. Mais non, il est content. Non, mais enfin Avengers, voilà, Avengers Infinity War, c'est vraiment un film que je porte pas dans mon cœur. C'est un film dont je ne comprends pas les scores. Enfin, au niveau de, enfin, tout le monde aime ce film, j'ai l'impression. Il a un peu pas. Moi j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus. Hein. Bah moi je l'avais détesté la première fois, mais vraiment j'en étais sorti vraiment en colère. Et en fait quand je l'ai revu, il y a un côté un peu sacrificiel, désespéré, pas assez intéressant quand tu le revois et que tu sais comment ça finit. Ouais, mais le problème c'est que tu sais qu'il y a tout. Mais oui, le problème c'est que oui, voilà, moi c'est, je suis désolé. C'est le gros problème pas du film. Mais les gens qui pleurent devant ça, enfin, il y a un moment. Tu peux pas. Il y a pas de prise de risque. Il y a Spider-Man From Home qui est en train d'être tourné, tu vois, donc. Même les réalisateurs, ça c'est hyper cynique quand même. On est vraiment dans une ère avec les Russo chez les Marvel, une ère super cynique où les réalisateurs sont conscients de l'aspect vain de leur truc, tu vois. Et c'est assez effrayant, je trouve, hein, ce truc là où on sait très bien que les personnages vont revenir et du coup quand ils meurent. Voilà, il y a aucun. Le problème c'est qu'il y a vraiment aucun enjeu et ça. Il y a pas d'enjeu. C'est chiant, crever quoi. Vraiment, on s'ennuie. C'est juste donner aux fans ce qu'ils avaient envie de voir et. Mais oui. Parce qu'ils ont lu quoi. Ouais, voilà, c'est ça, et puis même, enfin voilà quoi. C'est... Encore non, c'est pas ce qu'on a lu. Hein. Je sais pas, moi j'ai pas lu. Moi j'ai pas lu vraiment, enfin j'ai lu un petit et peu. Moi je trouve qu'il y avait plus d'enjeux dans Jurassic. Quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. Désolé, mais. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'était moins. Et puis, bah voilà, non, franchement, en fait, je sais pas quoi dire parce que je l'ai vraiment pas aimé ce film et. Je pense vraiment pas aller voir le prochain parce que ça me saoule en fait. Moi j'irai parce que j'ai envie de savoir comment ils vont justifier. Je le saurais très bien puisque tout. Moi j'arrive plus à me motiver pour aller voir les Marvel. Moi en fait, je pense qu'en fonction de comment ce sera nul ou éventuellement bien, ça déterminera si j'irai aller voir toujours après ou pas. Ouais non mais voilà. Parce qu'il y a un moment si c'est super naze, je vais être énervé, c'est pas la peine. La motivation n'est plus là parce qu'on sait très bien ce qu'on va aller voir en fait. C'est très c'est la formule qu'on nous rabâche et bon je sais qu'on dit toujours la même chose mais c'est vrai c'est la formule qu'on nous rabâche tous les ans depuis 2008 Iron Man et encore bon ça existait avant mais les films de super héros il y a eu quelques voilà moi ce que je veux dire c'est juste que Marvel c'est pas uniforme c'est qu'il y a quand même quelques bons films qui sortent du lot pour moi les Doctor Strange Black Panther et tout ça c'est quand même un peu plus intéressant mais disons que enfin quand même c'est vrai que Black Panther était vraiment bien. Ouais, c'est ça, alors qu'Infinity War, c'est quand même lourdingue de chez lourdingue. Pour moi, les seuls films qui. Les vannes, c'est pas possible. Les seuls films qui valent vraiment le coup, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et bon. Ouais. J'aime bien le deuxième. Comme ils ont perdu le réalisateur, ben voilà quoi. À mon avis, c'est encore plus. Non, oui, c'est ça qui me fait, rire. Hein. Disney, ça les gêne pas par un de leurs responsables de financer la campagne de Trump. En revanche, faut pas qu'il y ait un mec qui ait fait une blague douteuse il y a 10 ans, sinon ils le virent, tu vois. Moi, ça me motive pas à aller les voir, Disney. C'est très corporate, voilà, et c'est vraiment tout ce que j'aime pas dans le cinéma. Point. Voilà, on a fini sur les flops. C'est ce que va devenir le cinéma, hein, je pense. Hein. Ouais, et non, moi je pense que Disney, ça reste assez unique de ce point de vue-là. La Fox et tout ça, il y a moins cette dichotomie entre ce qu'ils font, c'est-à-dire filer de la campagne à des conservateurs et de filer du pognon pour les conservateurs, et d'un autre côté faire la morade dans leurs films. Il y a une dichotomie qui est présente chez Disney qui est quand même moins présente dans les autres studios, je trouve. On va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux, les surprises. C'est parti. On va passer sur les surprises. On est donc à la rubrique des surprises, 3 surprises chacun normalement, et on va commencer avec Morgane, c'est parti, vas-y. Oui bah ça va être rapide du coup, hein. En troisième j'ai mis Deadpool 2, parce que j'ai détesté le premier, j'ai vraiment détesté le premier, et voilà, le 2 a vraiment déjoué toutes mes attentes, je l'ai trouvé plus fun, j'ai trouvé plus violent, mieux écrit surtout, et enfin avec des personnages, des vrais personnages. Josh Brolin dans ce film-là est meilleur que en méchant, en comment il s'appelle dans le film, Thanos. Non mais l'autre dans Deadpool c'est Cable. Cable est meilleur que Thanos, oui, je trouve. Mais j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment pris mon pied. Ok. Deuxième, et là, Eddie, désolé, La Ch'tite Famille. Ah, bon, ouais, d'accord. Bah, parce que j'ai pleuré devant ce film. Admettons. J'ai pleuré devant ce film. Quand même, Morgan. J'ai pleuré. Oui, parce que... Non, mais parce que... Ouais, non, mais Morgan... Bah oui, non, mais je le dis, j'ai versé ma larme, j'étais très ému devant ce film-là. Parce que... Morgan, parce que, voilà, c'est un film de Danny Boone. Et alors l'autre jour, je l'ai vu Taxi 4, je te dis, Et alors, la Maison du Bonheur était très bien. Quoi, pardon? Oui, non, mais moi aussi, j'aime bien la Maison du Bonheur. Bon, j'étais pas très bon non plus. Oui, mais j'ai été ému. Pourquoi, justement, t'as cité un truc qui... Mais quand même, de là, c'est pas cité du Nord, ça. Bah, c'est une surprise. Attention, être dans une surprise, ça veut pas dire que ça fait partie des meilleurs films de l'année. C'est des films qui m'ont surpris. Je suis d'accord là-dessus. Ils m'ont surpris parce que ça, c'est des films dont j'attendais rien, où j'y allais à reculons. Et finalement, j'en suis sorti. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé ça mignon, mais suffisamment pour dire quand même, il m'a surpris parce que j'y suis allé avec quand même quelques a priori. Parce que c'est bien aussi d'aller voir un Danny Boone. Enfin, oui, en pas des attentes. Ah, mais je sais pas. Il a pas vraiment besoin de ton argent, mais bon après. Oui, bah non, ça. Mais, non, mais Bayona j'étais curieux parce que. Voilà, c'est ça. Et pourtant. Puis j'aime bien le casting, j'aime bien Lynn Renault, j'aime bien Valérie Bonneton, surtout, je suis très fan. Donc j'y suis allé en me disant, allez, pourquoi pas, allez, petite comédie du dimanche et tout. Franchement, bah, je trouve que quand même, il y a une sincérité derrière tout ça, un amour pour ses racines. Moi, je suis très attaché personnellement aux valeurs familiales et tout. Et là, je trouve que c'est un film qui parle de la famille, de ne pas oublier les gens qui t'ont fait et tout. Et moi, ça m'a suffi pour m'émouvoir. Voilà, mais gentiment, j'en fais pas une grande comédie. J'ai trouvé ça mignon tout plein. Et puis l'hommage à Johnny Hallyday à la fin, bah, moi, voilà, j'aimais bien. Non, mais franchement, quand je vois... Mais attends, il était pas encore mort, Johnny, quand ils ont tourné si, film. Si. Ça fait un an qu'il est mort, Johnny. Ouais, mais... Quand non, mais quand le film a été tourné, ils l'ont rajouté après. Et justement, la scène de fin. Alors, la scène de fin où on voit Pierre Richard chanter une chanson de Johnny, c'était déjà prévu dans le film. Et en fait, bah, du coup, il a rajouté à la fin à la mémoire de Johnny, tout ça. Ils étaient amis. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Lynn voilà. Renault, c'est surtout. C'était, je crois que c'était. Ah bah, oui, Renault, c'était sa marraine dans le métier, je crois, en plus. C'est sa deuxième maman, Lynn Renault. Ouais, oh là là là. Donc voilà, c'était sûr. Et le premier film, alors là pour le coup, un réalisateur français dont je n'aime aucun film, et donc je suis allé voir celui-là en Claire Aimée et Courir Vite. Exactement. Alors voilà. Que moi j'ai. Non, j'ai pas aimé. T'as détesté. Moi j'ai bien aimé. J'ai été surpris par rapport à ce que je redoutais, même si c'est un petit peu trop long quand même, il y a peut-être une petite demi-heure de trop. C'est long, c'est prétentieux, c'est. Bah, j'ai trouvé que c'était moins prétentieux que ces autres. C'est maniéré, films. Ah, c'est. Oh, mais c'est dire, très maniéré. C'est bien. Oui. Avant, je veux dire pourquoi c'est bien avant de lui répondre comment c'est nul. Pourquoi ? Non, mais c'est pas question pourquoi c'est bien. Après, j'ai pas vraiment d'argument sur ces trois films-là. Voilà, c'est des films qui m'ont surpris. Je les ai aimés, voilà, Père aimé courir vite. Voilà, vous voyez, je l'ai pas oublié, mais j'en fais pas non plus mon meilleur film de l'année. Mmh. Mais c'est vrai que il y a des films comme ça, on va les voir en se disant, et j'aurais pu mettre Phantom Thread, hein, lui c'est l'exemple parfait, hein, du film que je voulais pas voir, j'y suis allé en me disant, mon Dieu, j'y vais à contre-cœur, et finalement non, j'ai été touché par les personnages, et c'est surtout j'ai une passion dingue pour Vincent Lacoste, je trouve que de film ouais, en film, c'est un excellent acteur. À chaque fois, ah mais au début, enfin il est parti quand même d'Astérix au tout début, ouais, les beaux gosses, tout ça, j'avais vraiment du mal, et plus il fait des films, non, non, mais je parle de lui en tant que... Et je le trouvais tête à claque, ah oui, tu vois. Et plus il fait des films, plus il gagne après, en maturité, en élégance. Au goût du Rix, c'était normal aussi. Oui, moi, je trouve qu'il était pas si mauvais. Non, mais même le Skylab de Julie Delpy, enfin, au tout début de sa carrière, c'était un peu, voilà. Que là, plus il fait des... Là, il était aussi... J'aurais pu le citer première aussi dans les... Première année. Et dans Lolo. Excellent film. Dans Lolo. Oui, dans Lolo, voilà. C'est Lolo, c'est le moment où il commençait à faire des choses intéressantes. Et là, en fait, il s'entoure, voilà, de réalisateurs avec qui proposent des choses quand même. Et je trouve que là, il explose vraiment. Il aurait vraiment mérité un prix d'interprétation à Cannes. Et j'espère qu'il sera nommé au César et qu'il l'aura. Parce que son personnage, j'ai trouvé. Ils vont le donner à Pierre Ninet. Dans Cannes, vraiment. Pourquoi ? Bah, pour périr ou machin, là. Oh non ! Oh ! Oh, il me saoule, Ninet, il est trop parfait. Oh non, le mec, il est trop parfait. Il est trop beau, il a fait tous les films. Oh non, il m'énerve, trop parfait. Ah, non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est comme dans mes déceptions. Le troisième film, un de mes films en déception, ça m'énerve. Le film est trop parfait, donc ça me saoule. Voilà, la perfection, c'est trop parfait, c'est trop suspect. Voilà. Et tu sous-entends qu'il a un cadavre dans son coffre ou peut-être. Non, c'est pas ça, mais il est tellement irréprochable qu'il en est agaçant. D'accord, ok. Voilà. Ça m'énerve. Mais j'adore Pierre Ninet. Hein, c'est un crush. Hein. Il te rappelle trop toi. Non, je suis pas jaloux. Il te rappelle trop toi, Morgane, c'est ça. Hein. Mais oui, c'est ça. Mais non, mais il a à peu près le même âge que moi, mais ça rend pas pareil. Voilà, c'est vrai. Il y a une différence de taille, faut pas le nier. Ouais, ça dépend de d'avoir. Bon, Eddie, passons au snap. Non, il a pas fini. Voilà. Non, mais c'est bon. Pierre Ninet court un fil. Le premier. Non, mais c'est bien, voilà. Mais tu sais même pas, il a mis les trois, mais je rêve, il suit même pas, quoi. Il a mis les trois. Deadpool en trois, la petite famille en deux, et Pierre Aimé. Bah, c'était. Deadpool. Ouais, Deadpool. Ah oui, Deadpool 2. Pardon, c'est vrai. Voilà. Excusez-moi. Donc, Eddie, à toi, les surprises. Ben, moi, surprise, Love Simon. En troisième, ouais. Parce que j'en attendais rien. Moi, je m'attendais à ce que ça soit cliché à mort. Enfin, ça l'est un peu, mais je m'attendais surtout à ce que ça soit très très lambda et que ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Et en fait, bah non. Ouais. Après Annihilation en deuxième, ouais. Voilà, en deuxième. Bon, j'ai pas vraiment classé hein, les surprises, hein, j'en ai mis trois. Ouais. Bah, parce que j'en attendais pas spécialement grand chose. J'avais pas trop aimé moi Ex Machina. T'avais pas aimé Ex Machina, ouais. Et bon, c'est pas que j'avais détesté, mais j'avais pas trop aimé, j'avais trouvé ça un peu plan-plan. Ouais, c'était sympa, je trouve, mais bon, ouais. Et donc, du coup, j'avais pas forcément d'attente sur ce nouveau film, et j'ai été très agréablement surpris. le troisième, j'avais pas trop quoi mettre, mais du coup, ça a été une bonne surprise, j'en attendais rien du tout. C'est Tomb Raider. Ah oui, il était sympa, lui, hein, j'ai bien aimé, moi, ça. J'ai vraiment passé un bon moment, je serais curieux de voir une suite. Voilà, c'est pas le blockbuster de l'année, mais j'ai trouvé que voilà, ça fonctionnait bien et que ça s'est laissé suivre, quoi. Ok, très bien. Voilà. Adrien. Bah alors moi j'en ai mis un effectivement qui était aussi dans mon top puisque j'ai mis Black Panther, puisque moi qui suis pas un fan absolu de Marvel, celui-là j'ai vraiment adoré, donc c'était assez surprenant. C'est surprenant. Ouais. Aussi un autre Marvel, enfin c'est un Fox Marvel, mais Deadpool 2 comme Morgan. Pas parce que c'était particulièrement excellent, mais parce que c'est vrai que je déteste aussi le premier. Je trouve que celui-ci, non seulement est mieux réalisé, mais surtout est drôle. J'étais très surpris, je trouvais ça drôle. C'est pas le même réalisateur. Oui. Non, c'est pas... si. Non, je sais plus. C'est Tim Miller ? Je suis pas sûr. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non, c'est non, le mec qui a fait non. John Wick. Lui, non. Lui non. Il est parti faire le nouveau Terminator. Hein. Oui, il a fait John Wick, voilà. D'ailleurs, des références à John Wick. Magnifique scène post-générique, d'ailleurs. Oui, c'est assez drôle. Et surtout, voilà, c'est un espèce de vent de fraîcheur quand même. Et si, bon, ça n'a rien de subversif et c'est toujours aussi familial et faussement violent, faussement vulgaire, tout ce que tu veux, mais c'est plutôt sympathique et c'est pas tellement cynique, donc j'ai plutôt apprécié la séance. Et Ok. après, bah là, je suis un peu embêté parce que j'ai mis Ready Player One, bah parce que je m'attendais à détester, hein. Donc finalement, j'en suis Oui, sorti c'est avec un voilà. Est-ce que t'aimes pas divertissement. Spielberg, toi? Je sais pas que j'aime pas. Non, c'est faux. Il y a vraiment des Spielberg que j'aime bien, voire beaucoup comme Minority Report, mais c'est vrai que celui-là, je sentais qu'il allait me faire chier, et c'est un peu le cas parce que le fond, je le trouve vraiment, vraiment arriéré. Mais disons que Ouais, sur mais il la y a la scène forme de et sur l'aspect Shining. divertissement, la séquence dans Shining et tout ça, enfin, c'est. Il y a quand même du cinéma dedans, et c'est du cinéma qui me parle et qui est assez divertissant quand même. Donc, sans que ce soit le chef-d'œuvre Il y a un que j'ai T-Rex. entendu, c'est vrai que c'est très sympathique. Dans le T-Rex, là, pour le coup, j'en ai rien à foutre. Mais donc, voilà. Très bien. Et donc, c'est à moi. En troisième, je vais faire plaisir à Eddie, Jurassic World Fallen Kingdom. Ah bon? Ah oui, Bah, mais je croyais que t'avais pas aimé. mais si. Ah bon, d'accord. Par rapport à mes craintes pour ce deuxième volet, Oui, c'est vrai que la première bande-annonce t'avait refroidi et la ah oui, non, deuxième mais t'avait réchauffé. voilà, c'est ça, et Papa, on clairement. m'avait refroidi. Non, mais Et sans déconner, mais vous êtes gentil avec ce film. oui, je suis peut-être un peu gentil avec ce Stop film, être gentil avec ça, mais je l'aime bien, je trouve que la réalisation est plutôt bonne. Alors c'est aussi parce que c'est peut-être aussi mon premier Juan Antonio Bayona, donc Ah, ça joue aussi beaucoup. Oui, Ah, il y en pardon. a. Va voir l'orphelinat, mon Je n'ai pas petit. vu Bah oui, même l'Orphelinat, le j'ai dernier, là, avec le gamin Monster Casanova Call. Monkey. Ouais, c'est ça, Monster Call, ça, Et c'était vachement bien, ça. oui, quelques minutes après Voilà. minuit. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça, parce que j'ai découvert un peu sa réalisation, même si, comme tu dis, peut-être Adrien, elle est à beaucoup moindre. Enfin, Bah, elle est beaucoup ah plus non, impersonnelle, la forcément. réalisation, elle est bien, mais enfin, le Bayona, c'est le champion de l'intimiste, si tu veux. Alors, ça peut pas coller, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il s'en Oui, sort plus d'accord. pour un réalisateur de films intimistes, il s'en sort vraiment plutôt pas mal, hein, à ce Ouais. niveau-là. Tu ne croirais pas que c'est ce genre de réalisateur qui a fait ça, quand même. C'est Ouais. très impersonnel à ce niveau-là, finalement. Mais... Et il sait filmer les enfants aussi, je Oui, trouve. Oui, voilà. Et absolument. moi, c'est ce que j'ai apprécié, en fait, c'est que j'ai aimé tout l'aspect, du coup, de la petite fille, Ellie Mills, Ben oui. qui est jouée Oui, la par... fille de la petite fille de Lockwood. Voilà, c'est ça. Et moi, enfin, c'est ce que j'avais dit quand on avait parlé du film. Ça m'aurait plu qu'on parle, enfin, qu'on se concentre même plus sur elle, parce que autour, moi personnellement, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ils m'emmerdent. Ah mais j'ai Oui, tout oublié, on j'ai s'en zéro fout. souvenir de ça, Voilà. très honnêtement. À part les quelques moments nanars dont je me souviens, j'ai tout oublié, personnellement. Mais ouais, enfin, non, moi j'ai trouvé tous les moments où justement elle court dans le manoir, etc. Et enfin, toute la scène du manoir, je l'ai trouvé très très bien. Après, il y a quelques bêtises, comme on l'a dit, etc. Enfin voilà, c'est pas des trucs qui empêchent d'apprécier le film, mais c'est. Ah, moi quand même, hein. mais moi ça m'a fait rigoler, donc c'est pas non plus. C'est pas quelque chose qui m'a énervé, on va dire. Donc voilà, Jurassic World Fallen Kingdom, une bonne petite surprise. En deuxième, pardon, première année, du coup, J'ai pas vu. film de Thomas Lilty, du coup, avec Vincent Lacoste et William Leibgill, pardon. Et c'est un film dont j'attendais absolument rien. Je suis allé le voir sans aucune attente, et j'ai. Franchement, je me suis laissé emporter dans cette histoire qui raconte du coup la première année de médecine de deux étudiants, d'un point de vue du coup d'une personne qui tente pour la troisième fois de réussir sa première année, et d'un point de vue d'une autre personne du coup qui est dans sa toute première année et qui sort à peine du bac et qui est pas sûr de que c'est la bonne voie, que c'est la voie qu'il veut poursuivre. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé tous ces moments intimistes avec ces deux personnages, cette relation d'amitié, mais qui se tourne parfois vers la haine, etc. Enfin, pas la haine, c'est un mot un peu Je trop les dur, vois, moi, ces deux mais derniers films. ouais, mais et c'est enfin voilà, c'est vraiment aussi, voilà, la jalousie en fait entre les deux, voilà ce que je cherchais. J'ai beaucoup aimé tout cet aspect. Il y a certains moments qui sont plutôt beaux, plutôt bien réalisés, même si c'est ça fait enfin la plupart du film fait un peu téléfilm avec un petit peu plus de budget, quoi. Mais je pense pas que ça soit, parce que c'était un peu le cas dans Hippocrate aussi. Moi, j'ai vu qu'Hippocrate, donc bon. Mais je pense pas que ça soit sa priorité. C'est vraiment le sujet qui l'intéresse, finalement. Ouais, le sujet, et puis au niveau des dialogues, etc., c'est bien réussi. C'est très correct, quoi. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé Première Année. Et en premier, et là j'entends Morgane hurler au loin, Les Garçons Sauvages de Bertrand Dingo. Bon, c'est bien, ça débat. Ouais, non mais moi j'ai trouvé, enfin alors j'ai trouvé ça, en fait pourquoi je le mets en première surprise, parce que c'est un film, j'en avais pas du tout entendu parler, ou quasiment pas, je l'ai regardé un peu par hasard. Et en fait, il y a des choses que j'ai détestées dans ce film, mais il y a des choses que j'ai aussi aimées. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que le réalisateur, en fait, il a une vision. Et même si c'est que lui qui va apprécier de faire ça, il y va quand même. En fait, il est jusqu'au boutiste. Et c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dans le film, même s'il y a certains passages que j'ai pas apprécié, justement du fait de son jusqu'au boutisme. Au niveau de la réalisation, même si c'est clair que, comme t'as dit Morgan, c'est un peu prétentieux, même beaucoup, à certains moments. Moi, j'ai trouvé justement qu'il prenait ses inspirations cinématographiques, c'est-à-dire principalement, c'est un peu du Lynch. Il y a beaucoup de Lynch dans ce film, il y a beaucoup de Cronenberg aussi, plutôt période 70-80. Oh, j'ai Mais t'as pas vu les premiers films, t'as vu que... Mais du coup ouais, et c'est très porté sur le sexe. C'est extrêmement porté sur le sexe. Ouais, même pour ça que t'aimes bien. Non, exactement. Non, on va t'appeler Weinstein. Non, tu vois. Franchement, c'est assez. Balance ton podcaster. C'est vraiment surprenant, en fait. C'est un film qui m'a énormément surpris, dans de bons côtés et dans les mauvais côtés. C'est jusqu'au boutiste. C'est un film du genre fantastique, en fait. Et c'est quelque chose. Enfin, c'est un film que j'ai trouvé intéressant, vraiment, que ce soit, enfin, en termes d'objets cinématographiques. Après, c'est pas un film que je reverrai, clairement. Et c'est pas un film que j'ai garderai dans mon cœur comme étant je me souviens Les Garçons Sauvages, qu'est-ce que c'était bien. Mais plutôt, il y a des images, etc., qui sont tellement marquantes dans ce film que vraiment, je trouve qu'à certains moments, il a fait un très bon travail, en fait, même juste visuellement, en fait. Voilà, on a fini sur les surprises et du coup on va passer tout de suite aux déceptions. On est à la rubrique des déceptions et du coup, on va commencer tout de suite avec Morgan. C'est parti, vas-y. Alors, le numéro 3, désolé Eddy, Call Me By Your Name. Parce que c'est une grosse déception. J'ai un rapport très particulier avec ce film-là. Vous savez, il y a des films qui, quand vous les voyez, ils sont tellement baignés dans une hype que vous y allez en vous disant « il faut que je l'aime ». Il faut que je l'aime parce que si je l'aime pas, je vais me faire taper dessus. Donc je l'ai vu. Mais c'est con. Attends. Je vais au bout. Avec un peu de hier quand même, je me suis dit, ouais, c'est bien. C'est même très bien. Mais j'étais pas aussi touché que tout le monde. Et puis en fait, le film, je l'oubliais. Je l'ai revu 2-3 mois plus tard. Et là, ennui total. Je sais pas ce qui s'est passé. Déjà que j'avais pas été touché par l'histoire en salle. J'avais trouvé ça beau, mais pas touchant. Et là, je m'étais vraiment ennuyé. J'ai merde, donc du coup, le film m'a déçu. Mais il y a quand même des moments qui me sont restés dans la tête, notamment pour moi, la meilleure séquence du film, c'est la scène de danse. Mm-hmm. Enfin, la scène de. Mais voilà, t'es quand même le seul mec au monde que je connais, c'est qu'il change autant d'avis sur un film. Sur ce film-là, en tout cas. Et en fait, je l'ai revu en me disant, il faut que je comprenne pourquoi je suis passé de. Pas tout, mais beaucoup de choses à rien du tout. Mm. Bah, en fait, j'ai compris que ce film-là ne me touchait pas parce que, bah voilà, je parlais de films de personnes trop parfaites. Bah, ce film, il est trop parfait. J'ai du mal, en fait. Je trouve que le cadre dans ce film-là, tout est trop parfait. La famille d'Elio est parfaite. Lui, il est parfait. Il a un corps parfait. Sa famille est parfaite. Sa maison est parfaite. C'est trop parfait. C'est trop clean. Moi, je veux que ce soit un petit peu sale. Mais j'aurais voulu qu'il chiche le fal. C'est idéalisé. Justement. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je peux pas dire que c'est mauvais. C'est juste que ça me convient pas. Je préfère un Brokeback Mountain, par exemple, qui était aussi pudique, parce que on va pas se mentir, c'est quand même un film vachement pudique. Les scènes hétéros sont assez explicites et les scènes homo sont un peu montrées. Voilà. Bon, c'est une démarche, enfin c'est une volonté des acteurs qui voulaient pas tourner des scènes homo. Donc honnêtement, très franchement, je comprends pas pourquoi il, enfin fallait le faire quoi. Voilà. Je préfère justement un côté pudique à la Brokeback Mountain qui lui était touchant. J'ai sûr que pour le coup, Périne et Corvette est moins pudique. Ah ouais, bah ouais, pour le coup, oui, voilà. Et du coup, ça m'a déçu par rapport à ce qu'on en fait, par rapport à ce qu'on en dit. Mmh. Comme quoi, c'est vraiment l'histoire d'amour la plus bouleversante de je ne sais mais quoi. Non, mais je suis pas d'accord. Faut y aller. Voilà. Non, mais même pendant les projets tests et tout, avant que le film sorte, c'était je sorte Call Me By Your Name. Oh là là, je suis en larmes. Enfin, c'était le chef-d'œuvre, quoi. Puis en fait, non, j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre, voilà. Donc, quand même déception, pas pour ce qu'il est, enfin oui, un peu, mais aussi par rapport à tout ce qu'on en dit, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression d'être passé à côté. Je suis peut-être passé à côté, mais en tout cas, ça m'a pas touché. Mais je reconnais ses qualités objectivement. Et Armie Hammer est meilleur que Timothée Chalamet, au passage. Deuxième, alors là, pour le coup, en termes de déception, on y est. Et là, pour le coup, First Man. Oh. Ça me coûte de le dire, mais First Man, énorme déception. Voilà, pour. Je pensais que Chazelle allait faire un petit carton plein, voilà, après Flash et La La Land. Ouais, bah, Flaming to the Moon, ouais, non, pas vraiment, hein. J'ai jamais vraiment décollé. Mais en tout cas, je me suis ennuyé. Parce que, ce côté biopic, je l'ai trouvé un tout petit peu conventionnel. Il y a des choses dans le film, hein. La BO est pas mal, même si c'est pas ma BO de l'année. Ryan Gosling est, il est impérial, il est vraiment bon. Il fait du Ryan Gosling, hein, le rôle mutique, tout ça lui va très bien, il le fait très bien. Mais alors, il manque quelque chose, il y a quelque chose d'un peu formaté. Et on sent en plus que c'est une commande. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu le sens un peu moins libre que sur La La Land. Ah oui, voilà. La La Land, il y avait vraiment cette démarche. Oui, Whiplash aussi. Oui, il y avait dans La La Land, il y avait vraiment ce désir de faire un film de c'était très personnel, il y avait une vraie démarche intégrée et tout. Là, on sent qu'on est plus dans l'ordre de la commande, il la transcende pas vraiment même si le film a son lot d'aficionados quand même, mais moi il m'a déçu. Vraiment, je voulais être touché, puis moi quand ça se passe dans l'espace, vous imaginez que c'est pour moi. Mais en fait, je pense que le problème c'est que ça se passe pas tant que ça dans l'espace et c'est ça qui t'a dérangé. Non mais même justement les films sur la conquête, il aime pas 2001 déjà. Quand ça parle de ça. Quoi? Bien sûr, il aime. Ça y est, maintenant tu aimes. J'adore. Mais voilà, je sais pas. Bah oui, tu changes d'avis comme ça fait 2 ans. Non, je l'avais vu en 2010 quand même ce film-là et j'avais tenu quoi une demi-heure, mais bon, j'avais pas. Mais forcément, la première demi-heure, ça se passe pas dans l'espace. Voilà. Et puis après, finalement, j'ai adoré. Mais voilà, grosse déception. Voilà. Et ma première déception, et là Axel, je sais que tu vas approuver, Halloween. Qu'est-ce que j'ai été déçu, qu'est-ce que j'en attendais. Je m'attendais à un retour explosif, je me suis dit, mon Dieu, Jamie Lee Curtis revient, ils vont faire un pas sur tout ce qu'on nous a raconté, ça va recréer, ça va être fou. Et ben non, voilà. Ça tombe à l'eau. Non. Là, ça tombe à l'eau. Halloween. Oh, ouais, bravo. Oh là là là là là. Bravo. Ma blague est meilleure que le film. Allez, à vous. C'est clairement ça. Donc, c'est tout. Tu. Voilà. Ouais. Ouais. Eddie, du coup. Bon, Adrien, je suis navré. Hein, m'en veux pas. Bon, mais tu fais ce que tu veux. Hein, moi, j'écoute. Bah, moi, en déception, je pense que tu vas deviner. Hein. Non. Les animaux fantastiques de Grindelwald. Bah oui. Écoute, hein. Alors, je le mets en déception. Je le mets en déception. Je l'ai pas mis dans mon flop parce que c'est bien. J'estime que c'est pas un mauvais film. Moi, j'ai même plutôt aimé quand même parce que j'aime l'univers et j'aime les personnages. Mais le problème, c'est que t'auras beau me dire que faut le détacher d'Harry Potter et machin. Il y a trop d'éléments qui foutent le bordel avec le reste. Et moi, c'est des trucs qui sont pas encore expliqués. Ce serait une incohérence si l'explication est incohérente, mais pour l'instant, on nous montre des choses et tout. Mais non, si, c'est incohérent par rapport aux autres films. Bah non. Et aux romans. Bah si. Bah non. Quand même. Bah bien sûr que si. Attends, je les ai revus en plus récemment, donc oui. Je reprends McGonagall, elle a rien à faire là, par exemple. Bah, on verra. Ça n'a pas de sens. En l'occurrence, ça n'a aucun sens. Ouais, hein. Bon, alors après, peut-être qu'ils vont nous expliquer des trucs dans le prochain, mais pour l'instant, ça n'a pas de sens. Donc, peut-être que je reverrai le film à la hausse dans quelques années, si jamais il y a des explications, mais bon, je ne suis pas persuadé qu'ils nous expliquent pourquoi. Tu sais que rien dans le film n'a jamais rien dit sur l'âge de McGonagall. Tu vas loin quand même, Eddie, pour voir un film. De quoi? Bah, tu dis, je vais revoir le film à la hausse. Mais donc, la hausse, c'est loin pour moi aussi. Oh, putain, il est en forme. Hein. Donc voilà, donc je l'ai mis là parce que il y a pas mal de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui me plaisent quand même. Donc je pouvais pas le mettre en flop. Et même si finalement, bon, au-delà de certaines incohérences qui m'ont emmerdé, la grosse déception, ça a surtout été le traitement de l'État Lestrange. Que j'ai trouvé, c'est pas que je l'ai pas trouvé bien, mais c'est surtout que j'ai trouvé qu'on en faisait tout un pataquès pour finalement aboutir à presque rien, en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je persiste à dire que J.K. Rowling, c'est une bonne auteure de romans, mais que c'est pas forcément une bonne scénariste. Non. Et le film le prouve assez bien, en fait. Donc voilà. Après, deuxième déception, c'est Crow-Man, des studios Hardman. Ouais. Parce que malgré tout, je l'attendais quand même. Font chier les films de super-héros, franchement. Quoi ? Mais non, parce que Iron Man, tout ça, faut arrêter. Non, mais là pour le coup, c'était vraiment décevant parce que en plus c'est le même réel que tout ce qui est Wallace et Gromit et tout. Donc quand tu vois la folie et l'humour et tout ce qui fonctionne dans Wallace et Gromit, en fait là, rien n'y est. Hormis un certain humour anachronique, sinon, c'est quand même pas fameux. Mmh. Et donc du coup j'ai été déçu. Et le troisième, c'est La Nuit a dévoré le monde, le film de zombies français. Je voulais le voir celui-là. Qui aurait pu être génial et qui est chiant en fait. Voilà. Le problème, c'est que du coup, le film s'attache à traiter de la folie de son personnage, ce qui n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas très bien. Donc, c'était un petit. Oui, là, pour le coup, c'était décevant. Moi, je m'attendais à. Je me dis, c'est con pour une fois qu'un film français ose aller sur ce terrain-là. Il fallait se démarquer, quoi. La démarcation ne se produit pas. D'accord, ok, très bien. Voilà. Adrien ? Alors moi, les déceptions, j'en ai trois aussi. Il y a déjà une qui était déjà dans mon flop, qui est Winchester, parce que j'en attendais beaucoup, et c'est vrai que là, se contenter de filmer une histoire sans intérêt dans la maison, c'était un peu se foutre de la gueule du monde. C'est là qu'on voit la perception de chacun par rapport à des films. Je me dis, mais je n'arrive pas à comprendre comment il peut attendre un truc comme ça. Ça, il y a beaucoup de films, beaucoup de très bons films qui sortent en vidéo. La plupart mais des tu te doutes bien que bon, ça ne va pas être exceptionnel. Exceptionnel, je ne dis pas, mais que ça fasse au moins un peu peur. Je veux dire, c'est facile de faire un film d'horreur qui fait peur dans un endroit où tu te perds facilement et qui est un peu incongru, tu vois. Et là, je trouve qu'ils n'ont même pas fait d'effort. Ensuite, il y a le. Alors, ce machin-là, on m'en a dit beaucoup de bien. C'était Teen Titans, Go to the Movies, l'animé de Teen Titans en film, là, sur la. Ouais. Un peu méta. La série, elle est sympa. Ouais, elle, mais elle c'est est... couillon, moi. Hein. Je trouve déjà, je trouvais ça pas très beau. C'est une série d'animation autour de Robin, en fait. Protégé de Batman et d'autres personnages, etc., dans l'univers d'ici, mais très cartoon. Très cartoon, très méta, surtout il y a des vases. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, ça aurait pu être un peu le Lego Movie de l'univers DC. sauf que le Lego Movie de l'univers DC, c'est déjà Batman Movie. Et là, du coup, ouais, puis encore. Et là, du coup, ce machin-là, bah, c'est, tu t'ennuies un peu, c'est vraiment des gags très enfantins. Il y a 2-3 vannes un peu rigolotes, mais tu les as déjà entendues 30 fois, donc ouais, on a dit beaucoup de bien, comme le nouveau Shadow of Meta, mais non, ça fonctionne d'accord, pas trop. Okay. Et après, ça c'est une déception, parce que le réalisateur est quand même assez connu, c'était le dernier film de Soderbergh, Unsane, avec Paranoïa en français, c'est ça. Mais il y a plusieurs choses, Claire Foy est très bien, je retiens quand même ça, ça reste une actrice formidable. On l'avait vu aussi dans elle joue Malfoy. Je trouve qu'elle joue bien, moi. Ah, Malfoy, j'ai compris, d'accord. Mais Claire Foy, Harry Potter, elle est parfaite. Dans The Crown, elle est parfaite. Même dans j'ai fait un non, mais Morgane, on essaye de pas se souligner. Ouais. Parce que... j'ai trouvé très bien. C'était drôle. Mais au-delà de ça, c'est un film qui se repose un peu sur son concept d'être tourné à l'iPhone. Et en fait, le problème, c'est que bah, contrairement à justement Unfriended, c'est qu'il fait rien de son concept, quoi. C'est-à-dire que bah, c'est juste tourné à l'iPhone, mais sinon, c'est un film assez traditionnel. Très anecdotique, voilà, ça se passe dans un hôpital psychiatrique et il y a de la folie, tu sais pas si elle est folle, si elle est pas folle, et en plus la réponse est hyper décevante, parce que bon, si c'est pour nous dire qu'elle avait raison, bah, Non, mais c'est vrai qu'on sentait pas l'ambition derrière le projet, même c'est pas, j'ai l'impression qu'il s'est fait, que Soderbergh, il s'est même pas fait chier là, franchement, qu'il a fait, bon, je tourne mon petit machin. Et au-delà d'être anecdotique, parce que ça c'est pas grave, d'être un film mineur, c'est pas très bon, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très bien réalisé, c'est un peu laid, il y a des filtres de couleurs, des fois tu sais pas pourquoi. Voilà, c'est plat, non, je sais pas. Voilà, ça vaut pas le coup d'être dans un flop, parce que je peux et pas tu, dire. Tu sens vraiment que Soderbergh ne cherche pas, j'ai l'impression, de manière générale, ne cherche pas la notoriété ou. Non, mais ça, c'est. Enfin, vraiment qu'il fait que ce qui. Ouais. Non, mais ou même le succès, tu sens vraiment qu'il fait. Absolument. Que ce qui mais lui c'est plaît, vrai que Liberace, importe, moi j'aimais beaucoup récemment Liberace, et je trouve que là, ce machin-là, c'est. T'as l'impression que c'est fait avec sans passion et. Et ouais. sans vraie recherche de quoi que ce soit, donc quoi. Bah voilà, tu même pas c'est juste 2-3 filtres, mais c'est tout. Mais c'est vrai que okay. Bah moi j'ai pas mis dans mon club parce que tu passes pas un mauvais moment, ça se regarde, mais ça pourrait être réalisé par n'importe qui, je pense. D'accord, très bien. Et ben moi je vais aller au troisième du coup de ma déception. En fait c'est un film que j'aime beaucoup, mais je m'attendais à l'aimer plus. En fait c'est Mission Impossible Fallout. Ouais, je suis un peu d'accord. Je fous du monde. Attends, j'ai dit que je l'aimais beaucoup, mais le problème, c'est je me rends compte en fait en y repensant par rapport au cinquième, donc Rogue Nation. Dans Rogue Nation, j'avais beaucoup plus de souvenirs de scènes marquantes. Non, mais c'est un film qui est super cool. Ouais, et enfin de scènes marquantes, etc. Le théâtre, le sous l'eau, etc. Enfin voilà, il y a vraiment des scènes de tension, etc. Vraiment, l'avion au début. Et là, en fait, il y en a tellement que tout se mélange et il n'y a plus aucun. Enfin, il n'y a rien qui est vraiment marquant, en fait. Ouais, c'est, parce que tellement, c'était pas le temps comme film, hein, je trouve. Tout est tellement. Enfin, un film d'action, c'est con. Enfin, oui, voilà, c'est ça, en fait. Il n'y a jamais de vraie pause. Dans la folie de ce que fait Tom Cruise, etc. Enfin, tu le vois conduire l'hélicoptère, etc. Ou alors sauter d'un avion. Enfin, bref, il n'y a que des scènes vraiment dingues et bien réalisées, etc. Mais le problème, c'est que tout se mélange et ça devient pas marquant, justement. Ouais, et ouais. Je trouve ça dommage, en fait. Enfin, je trouve vraiment pas que c'est un mauvais film. Vraiment, j'ai passé un très bon moment devant, mais je m'attendais à être plus surpris et plus dans la même veine que Rogue Nation, avec des moments de pause, des moments un peu plus voilà, un peu plus calme, pour repartir sur vraiment de la folie pure. Ouais, et au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui est déjà les films à la gloire de Tom Cruise, on commence à en avoir ras-le-bol, mais en plus je trouve que c'est un peu con, on reproche beaucoup. Je trouve qu'il y a un MacGuffin à un moment dans le film qui ressemble beaucoup aussi au début de Justice League. Un quoi? C'est ce qu'on appelle un MacGuffin, c'est-à-dire un truc qui revient, et là il y a cette gâteau. Histoire de la mallette qui laisse traîner pendant qu'il se bat avec des gens. C'est un élément scénaristique, en fait, que tu utilises. Et la manette se fait piquer par un mec, et tu comprends pas comment ils ont été assez cons pour la laisser traîner, tu vois. Bah, ça me faisait penser aux différents moments où il se faisait piquer les boîtes dans Justice League, tu vois. Je trouve que c'est super con, mais bizarrement, mais dans Mission Impossible, ça dérange pas, quoi, tu vois. Non, ça, alors que non, c'est supposé ça passe, avoir ce quand même une certaine exigence. Rogue Nation comme il s'appelle Ghost Protocol, c'était quand même des films qui avaient une exigence, quoi, tu vois. Et là, je trouve que c'était couillon, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais voilà. Mais pourtant, c'est ça se regarde, c'est très sympathique. Voilà, c'est voilà. En deuxième, du coup, Sans un bruit. J'en avais entendu beaucoup de bien, etc. Mais quel comique. J'en ai entendu beaucoup de bien, etc. Donc je m'attendais à un truc de fou. Et finalement, c'est juste un bon film, mais qui reste frustrant, je trouve, parce que, enfin, tu sens que, les bestioles qui bouffent les gens, en fait, on n'en sait pas grand-chose et on ne sait pas ce qu'ils ont vraiment tenté. Pour essayer de les exterminer. Bah c'est bien. Moi je trouve ça, en fait je trouve ça très frustrant. C'est un peu paresseux. Est-ce que dans Titanic on t'explique pourquoi l'iceberg il est là? Non. Ah, ah, voilà. C'est un élément du climatique. Voilà. C'était le cas. Oui. Voilà. Du coup, Sans un bruit, c'est pas un film que j'ai détesté. Clairement, j'ai passé un bon moment devant. Mais au fur et à mesure que le film avançait, je me trouvais de plus en plus frustré parce que les personnages faisaient un peu des actions un peu connes. Je prends le gamin, en fait. Et je risque d'aller prendre l'exemple d'Emily Blunt. Mais maman, elle a pas le choix d'accoucher. Ça se commande pas, monsieur. Hein. Bon, déjà de faire un gamin dans ce monde où les gamins, enfin, tu sais que quand ils vont accoucher, le gamin il va crier. C'est pas très intelligent. Bref, c'est pas la question. Je trouve que l'enfant justement qui par exemple quand il entend la bestiole et qui court dans le champ où il a entendu la bestiole, c'est pas le truc le plus intelligent que j'ai vu dans un film d'horreur, quoi. Clairement. Tout le long du film il marche pieds nus. Enfin, il y a des incohérences comme ça qui, en fait, je pense que si, enfin, l'univers et tout ça, c'est très bien recherché, mais c'est frustrant parce que tu vois ce que ça aurait pu être, vraiment un très très grand film d'horreur, mais ça reste juste un bon petit film d'horreur divertissant, quoi. Et je le vois pas vraiment comme un film d'horreur. Ouais. Mais enfin, tout l'aspect familial, etc. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Hein, c'est pas le souci. Et disons qu'ils sont crédibles, quoi. Cette famille, elle est crédible, en fait. Oui, clairement. Ouais. Et heureusement que le couple est crédible. Heureusement. En première, du coup, déception, c'est Ready Player One, parce que je l'avais quand même dans mes attentes de 2018, même si j'avais des craintes. En gros, tes trois déceptions, c'est trois films dans mon top. Je suis désolé, Morgane. Non, mais du coup. voilà, Ready Player One, on en a déjà parlé. Je vais pas m'étaler là-dessus. Du coup, on va passer à l'avant-dernière rubrique de ce podcast qui est la BO de l'année. C'est parti. On est à l'avant-dernière rubrique de ce podcast, bilan de l'année 2018, la BO de l'année, un seul film cette fois-ci, pas de triche, je mettrai un petit extrait après que la personne ait dévoilé sa BO de l'année. Comment il dit ça, dévoilé. Donc, voilà, dévoilé, pour rendre le truc un peu plus... tu vois, télévisuel, etc. Bien sûr, sauf que c'est un podcast. Voilà. Donc, Morgane, ta bio de l'année. Gravity. Très non, bien. Morgane. Je l'ai réécouté, c'est pour ça. Non, ma bio de l'année, c'est. Honnêtement, j'ai trouvé qu'en termes de bio, c'était pas top, mais il y en a une qui m'a marqué, c'est Free Billboard. Ok, Free Billboard, très bien. pardon. Merde. Et, moi, c'est Eddie. Hein, ouais. Bon. Désolé, j'étais tellement surpris que c'était ce soit aussi rapide que j'ai. Eddie, c'est vraiment tout pourri. Hein, allez, vas-y, Eddie. Moi, j'aurais pu mettre. Au départ, je voulais mettre Call Me By Your Name, mais finalement, c'est que c'est des chansons, c'est pas vraiment de. Ouais. Et je me suis dit, BO, on va quand même prendre un truc composé. Donc, mais du coup, je vais sur du très classique, mais ça va être Jurassic World. Ok, très bien. Adrien. Alors moi c'est du lourd, du très très lourd comme dirait l'autre. C'est évidemment la bande son de Daniel Pemberton sur Into the Spider-Verse. J'ai trouvé un peu mal mixé dans le film, mais c'est une réussite totale et je trouve que. Et puis même la soundtrack. Pour mon avis, il y en a un autre, ça sera pareil. Et incroyable et c'est vrai que je peux difficilement trouver mieux cette année en termes de pertinence dramatique et. Et puis c'est très original, c'est semi-techno, semi... Non, c'est très très bien. Ouais, ok. Et pour moi, eh ben c'est Eddie a choisi une de Michael Giacchino, et eh ben moi c'est une autre de Michael Giacchino, c'est Les Indestructibles 2. Oui, j'aurais pu aussi celle-là. Parce que c'est jazzy, c'est funk, c'est enfin il y a du peps dans la musique. Voilà, et aussi pour les trois thèmes séparés de Monsieur Incroyable, Elastigirl et Frozone. Mais c'est rigolo. Mr. Incredible, mais c'est. C'est ça qui est drôle aussi. Oui, aussi le fait de. Enfin, voilà, donc du coup, les thèmes sont excellents. C'est très pop, c'est très jazzy. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et ben on a fini du coup sur la BO de l'année et on va finir sur la dernière rubrique de ce podcast qui est qui sont nos attentes du coup pour l'année 2019. C'est parti. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast, bilan de l'année 2018, et on va faire du coup nos attentes pour l'année 2019. Maintenant qu'on a parlé déjà pas mal de l'année 2018, on va se tourner vers le futur, très prochain, et on va commencer du coup avec Morgane. Donc du 5e au premier, à ta première. Voilà. Oui, ouais, ça va être rapide. Donc 5e, malgré tout, Star Wars 9 quand même. Hein. Mm-hmm. Ah, ouais. Oui. Bon, ah oui, parce que bah, la suite, je suis... Voilà, ouais. Quand même. Numéro 4, Us, mm-hmm. Us, ouais. De Jordan Peele, ouais. Réalisateur de Get Out. Et voilà, ah oui, il va revisiter le Home Invasion, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et, ouais, ça va être fou. Ça va être fou, je l'attends. Numéro 3, et je pensais pas l'attendre, mais finalement, enfin, quand même, Pixar, ils ouais. sont forts. Toy Story 4. Quoi ? Voilà. Quoi ? Oh non. Ouais. Oh là là. Bah. Mais oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal. J'aime. Parce que Woody Buzz, parce que la voix de Richard, il y a le retour de la bergère. J'en ai marre. Il y a le retour de la bergère. En plus, bah rien que pour ça, non mais attends, voilà, le retour de la bergère quand même. Ouais. Franchement. Ouais. Oh là là là là là là là. Mais c'est dollars, gros là. Bon. Alors, c'est dollars. Manger, je sais pas quoi, là, si c'est bien ça, vraiment. Numéro 2 maintenant. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Que hein? En deuxième. Bah oui, parce qu'en premier il y a un autre. Ouais, c'est logique. Et pourquoi je l'attends? Bah parce que Tarantino s'attaque à une histoire vraie. Mm-hmm. Pour la première fois de sa vie, quand même. Donc il y a un côté biopic qu'il n'avait jamais fait. Ghostbusters. Oui, c'était à demi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on oublie. Alors, il est comme ça. Et le casting, on en parle. Mais quel casting, grand luxe. Et en plus, il rappelle quelques vieux noms qui font bien plaisir. Hein. Al Pacino, je crois qu'il est là. Oula, t'es sûr? Ah, oui, Al Pacino, il est ah, là. Ah oui, oui, oui. Il me semble qu'Al Pacino, ouais. il est là. Oh, il y a Brad Pitt, il y a Kurt Russell, ouais. Je crois. Ouais. Il y a Dakota Fanning. DiCaprio. DiCaprio, ouais, bon, qui soit meilleur que dans Django, par contre. Mais, mais voilà, je l'attends. Chaque Tarantino est une attente. Et le numéro 1. Mm-hmm. Le numéro 1 qui sort en janvier. Ah oui, mais oh bordel. J'ai nommé Mr. Glass. Ah, ça, je vous le dis. Oh mon dieu. Oh, j'en ai une érection. Non, mais. On n'a pas besoin de ça. Ça va être une bonne grosse dope. Ça va être bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Regardez l'objectivité du mec. Donc, non, mais parce que, incassable, je continue à penser que c'est un des plus grands chefs-d'œuvre des années 2000, incassable, et que Split est à mon sens le meilleur film de l'année dernière. Donc, et en plus, en ayant revu encore Incassable, je me suis dit, mais le mec il prépare son coup depuis combien de temps? C'est même dans Incassable, on voit le personnage de James McAvoy, on le voit tout petit, c'est dans une toute petite scène, mais on le voit, c'est génial. Oui, on le voit, oui. Si on le voit, on voit Bruce non, Willis. Attends, ok, je fais une parenthèse. Non, faut aller dans le détail. Bruce Willis aussi à un moment. T'as vu dans l'étage dans le ciel. Non, il y a Bruce Willis. Bruce Willis, il a juste à toucher les gens pour savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils vont devenir. Et à un moment, il y a un enfant qui le touche et on entend plusieurs voix dans la tête de l'enfant et qui est tiré par le bras de sa maman. Et on sait que donc c'est cohérent. C'est ça. Puis on sait tous qu'il voulait faire sa trilogie. Et en plus, il parle de la bête à un moment donné. Enfin, il y a plein de trucs. Donc là, j'espère qu'il va finir sa trilogie en beauté, qu'il fasse justement cette alternative à la Marvel Cinematic. Bah en tout cas avec Incassable et Split, il y en a déjà deux très réussis et je pense que voilà, le troisième il y a beaucoup de promesses. Ça peut être casse-gueule parce qu'il y a beaucoup de promesses là pour le coup. Parce que Split il était pas vendu comme tel, donc du coup il n'y avait pas de pression. C'était vendu juste comme un pur film de genre. Mais là, non plus, il n'y a pas de pression. Mais là, honnêtement. Honnêtement, c'est non, je crois pas. Split, il devait se ramasser quand même. Il s'est pas ramassé. Split, il a marché, il parle bouche à oreille. Là, pour le coup, il y a beaucoup de pression, je trouve. Il y a des enjeux qui sont très forts. Là, c'est le film qui va tout unifier. Il va terminer et conclure ce qu'il avait fait dans les années en 2004, c'est ça. Donc, on verra si ça. Mais moi, j'y crois dur comme fer. Les bandes annonces m'ont vraiment séduit et ce casting, quoi. Je vois ces têtes d'affiche là. Samuel Jackson, Bruce Willis, James McAvoy. J'irai le voir et en VF parce que la VF est meilleure que tout avec ces acteurs là. Et j'ai hâte, quoi. C'est vraiment impatient et oh là. Et rien que de réentendre la musique de James Newton Howard là, le thème d'Incassable qui est un des plus beaux thèmes que j'ai entendu de ma vie. Voilà. Ok. Non, okay. J'ai cru que tu allais redécrire un autre phénomène physique qui t'arrivait en écoutant cette musique, mais voilà. Donc Eddie, c'est non, à non, toi. Non. Quand je pense au film, j'ai une érection. Bah, quand j'écoute la musique, moi, j'en avais que 3, mais du coup, j'en ai trouvé 5. Ouais. Ok, vas-y. Donc le premier, j'ai pas d'ordre encore une fois. D'accord. Il y aurait ma vie avec John F. Donovan ouais. De Xavier Dolan, ouais, c'est bon. Dragon 3 parce que j'adore les deux premiers, et après il y aurait la suite de ça, donc le ça ouais, chapitre ouais. 2 ouais. Bah, Glace éventuellement et pas l'air et sinon je dirais quand même Ralph 2.0 je pense. Okay. Après, d'accord. J'ai un peu peur pour celui-là. J'aurais pu mettre Star Wars parce que j'aimerais vraiment que Rian Johnson ait poussé J.J. Abrams à se sortir les crampons du cul et à être original, mais vu que ça ne le sera pas, donc je ne l'ai pas mis. Ok, très bien. Adrien ? Bon, je vais essayer d'aller très vite parce que j'en ai 18. Il y a deux foutage de gueule. Il y a deux, trois films que j'attends pour me foutre un peu de leur gueule, donc voilà, Playmobil. Le nouveau 51 degrés et évidemment Glace, alors celui-ci ça va être un chef d'œuvre. Et sinon au niveau des vraies attentes, bah pareil, il y a le Dolan là de John F. Donovan, Alita Battle Angel aussi, le nouveau film de Robert de Rodriguez, La Favorite de Lantimos, réalisateur de The Lobster, c'était quand même vachement bien. Dumbo parce que c'est Burton quand même, c'est bien. Joker parce que bah pourquoi pas, on va voir ce que c'est. Pareil pour Shazam, hein, DC, pareil. Shazam! Oh là là là là! Non mais attends, ça se fout de moi! Attends, ça méprise bien, c'est ça, attends, Shazam! Ça se trouve, ça va être bien, c'est tout! C'est tout. Bon, non mais attends, bah, oui, mais c'est un DC, Shazam, c'est déjà parti pour être complètement DC! Donc voilà, après, on a le Godzilla, là, Kings of Monsters, ça c'est juste parce que j'aimerais bien qu'on voit la grosse mythe qui vole là-dedans. Putain, mais t'es constant dans la nuit! Mothra! Ouais, c'est ça, Mothra! Creed 2, parce que voilà, le 1 il était trop bien! Us! Parce que ça va être un chef d'œuvre absolu, déjà je le sens venir. Je spoilerai pas du coup, parce que si tu penses que c'est un simple Home Invasion, Morgan, on a eu une révélation dans la bande annonce, mais je te dirai. Ouais. J'ai pas regardé la bande annonce. Moi non plus, j'ai pas regardé. Kingsman Great Game aussi, parce que il nous faut un préquel à Kingsman, donc faut voir. Hein. Moi, ouais, c'est vrai, Morgan, même pas de Kingsman. Bah, c'est vrai. Bah, non, alors, j'espère qu'on va pas. J'espère qu'on va pas vous lâcher dans les commentaires, mais j'accuse de Roman Polanski. Parce que voilà, Polanski sur l'affaire. Bon, bah, au revoir, Adrien. Un Polanski sur l'affaire Dreyfus avec Dujardin, ça, c'est pour Bibi. Shaun le Mouton 2, hein. Parce que putain, il parle comme Macron! Oh merde! Avec des extraterrestres, ça c'est bien. Shaun le Mouton. Ouais, la foutre de faire un Minuscule 2, parce que le 1, il était juste trop mignon. C'est le petit film d'animation. Non, c'est pas sorti encore. Ça va sortir en janvier. Mais en fait, tu vas faire tous les films qui vont sortir là ou quoi? Ah oui, pas vu. Alors, Brightburn, ouais. Mais ça, c'est ça, personne voit ce que c'est, mais c'est le film. Mais attends, mais il va en faire combien Inspiré du mythe de Superman, mais en film d'horreur, où Superman, en fait, c'est un démon, genre. Ça sert à trop bien. Grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon. Et tu vas vraiment nous faire les 18 là J'ai presque fini, j'aurais fait moins longtemps que Morgan. Grâce à Dieu de Ozon, ça, parce que c'est Ozon. Bon, Escape Game de Robin Hood. Ah oui, que bah, c'est le mec qui a fait Insidious 4 et Escape Game, c'est rigolo, c'est un film d'horreur, ça va être marrant. Les Estivants de Valère Unité de Chi, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu de film de Tedeschi. C'est un bout de temps qu'on n'a pas vu un de ses films. Et enfin, alors là ça va être une grosse daube, mais j'ai hâte de le voir. Tanguy le Retour, hein, par Étienne Châtillier avec Sabine Azura et Dussolier. Alors ils ont abandonné l'idée de faire un podium 2, on est très contents. Mais du coup, Tanguy le Retour, en revanche, ça sort toujours. Voilà, et ça va être probablement être très mauvais, mais je me dis que si Châtillier réalise, ça peut par accident être bien. Les derniers films de Châtillier. Oui, c'est ça le problème, donc voilà, j'irai le voir, mais c'est vrai que. Ah. Agathe Cléry, merci. Je rigolerai probablement moins que devant After et puis Mobile. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, très bien. Et ben, moi, du coup, j'en ai que 5, hein, puisque je n'ai pas triché. donc, en 5e, si Bill Street pouvait parler de Barry Jenkins. Barry Jenkins, c'est la personne qui nous avait donné Moonlight. Voilà, c'est pour ça que c'est sympa. Et voilà, c'est pour ça que je l'attends beaucoup. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé, je l'avais mis dans mon top. Je pensais pas que c'était pas bien, mais... Voilà, moi j'avais trouvé ça très beau, très bien réalisé, etc. Et très touchant. Voilà. En 4e, Us, Jordan Peele, voilà, parce que Get Out c'était un gros chef-d'œuvre de l'année dernière et je l'attends énormément. Je sais pas ce que vous avez avec ce film, hein, franchement. Ça va être trop bien. Non, ouais. Mais Get Out. C'était trop bien. Oh, c'était. Ouais. Ouais. Bref, voilà, non, Us, moi j'en sais pas plus, j'ai pas vu la bande-annonce exprès et je veux rien savoir avant d'aller le voir. Oui, moi non plus, l'affiche est tellement bien. Pas parce qu'il y a un gros truc, voilà. Moi j'étais. Voilà, ouais. C'est comme ça que j'étais. Ensuite, en troisième, du coup, je vais faire crier encore Adrien, du coup, puisque ça l'a déjà fait crier quand Morgan l'a dit. Et qu'est-ce que vous avez tous à vouloir faire crier Adrien? C'est un espèce de jeu sexuel. Ah, bah, c'est mon rêve, ça. Toy Story 4. Ouais, mais non, mais là, il y a un moment. Oui, mais Parce que, voilà, même si la trilogie est parfaite, et que je voulais pas avoir de numéro 4, et je vois. Mais ça va servir à rien dedans. Ah mais moi je m'en fous. Non parce que dans Playmobil il y a Franck Dubosc qui double. Alors est-ce que c'est double aussi dans Toy Story 4? Ouais bah non, dans Toy Story 4 il y a Tom en VO donc c'est moins bien. Voilà. Oui mais attendez, Dubosc c'est le monde de Nemo hein, c'est très bien. Par accident. Vas-y, continue, Axel. Donc voilà, Toy Story 4, même si j'ai peur, en fait c'est un peu comme Ready Player One, j'ai peur du film, mais pourtant. Tu viens de le maudire ton film Mais je l'attends quand même parce que c'est quand même réalisé par un des scénaristes de Vice Versa, etc. Donc c'est quand même. Il y a de la qualité derrière, il n'y a pas non plus. Des feuzes, voilà. Donc moi je l'attends quand même. En deuxième, un film qui va te faire plaisir, Adrien, ça m'a fait bizarre de pas le voir dans tes attentes. Non. C'est le Dain de Quentin Dupieux, le prochain film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin. Ah oui, mais ça c'est parce qu'il est annoncé aujourd'hui, du coup j'étais un peu paumé. Mais oui, absolument, bien sûr. Oui, voilà, bien sûr. Donc prochain film de Quentin Dupieux, toujours en France. Donc voilà. Il l'aurait sorti à Noël. Non, le Dain, D-A-I-M. Oui, en mais fait, ça c'est... j'ai compris. Oui, ouais. Ah. Et parce que le mal de la dinde, c'est le dindon. Je suis pas con quand même à ce point-là. Oui, non, ou alors le dindon chocolat. Moi, j'avais compris comme ça la blague, non pas comme ah oui, les dindons. Ah oui, c'est bon ça. Voilà. Donc voilà, ça, le scénario a l'air encore d'être barré à 100%. Et moi, j'ai dit tout mon amour pour Au Poste et je suis totalement prêt pour un autre film de Quentin Dupieux. Voilà, et en premier, c'est vraiment le film que j'attends le plus l'année prochaine, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Ah, c'est pas plus mobile, Quentin... je suis surpris. Ah ben non, malheureusement. C'est vrai que celui-là, il pourrait me plaire aussi, quand même, je pense. Quentin mobile, Tarantino... Non, Once Upon a Time in Hollywood... Non, plus mobile, j'en ai rien à foutre. Après, on s'est moqué de Lego. Non, mais oui, mais voilà. Là, c'est ouais. Ouais, non, mais plus oui, mobile. Il n'y a même pas les mêmes personnes. Non, derrière, mais là, c'est du boss qui est derrière, faut pas déconner. En avant les grands merdes, oui. Non, c'est pas lui qui écrit le film. C'est pas les mêmes choses. Au pire, tu le vois en vrai. Là, c'est plus genre le monde secret des émojis que... J'imagine que c'est ça. Mais donc voilà, Quentin Tarantino, c'est un de mes, enfin c'est un de mes réalisateurs préférés. Je vais pas dire c'est mon réalisateur préféré, mais clairement j'attends toujours tous ses films, et sachant en plus que c'est possiblement son dernier film. Ouais, mais ça ils le disent tous. Hein. Moi, Soderbergh, ça fait 3 ans qu'il est sorti de son dernier film, il en fait un par an. Je sais. Ouais, tu verras, Tarantino, il est encore bordé pour 30 ans de films. Ouais. Mais voilà, donc casting de folie, comme l'a dit Morgan. Enfin, déjà le fait qu'il y ait Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, et en fait, il retrouve quasiment tous les acteurs avec lesquels il a déjà joué dans ses films. Et ça a l'air complètement dingue, le fait qu'il s'attaque à cette histoire. Donc c'est quand même enfin c'est Margot Robbie, hein. C'est marrant, ça, oui, ça me laisse indifférent, ouais. Moi, ce machin là c'est marrant. Le fait qu'il s'attaque à Charles Manson, c'est quelque chose indirectement qui... non, ah bah non, très directement, enfin... c'est, bah, je crois qu'au départ c'était indirectement. Non, il s'attaque indirectement à l'affaire Polanski puisque il va passer la première affaire Polanski. Que ce serait intéressant qu'il évoque ce qui est devenu Polanski après, non, c'est très directement Manson, c'est le sujet du film plus ou moins. Ouais, et enfin voilà, donc les meurtres du 9 août à Hollywood, voilà, où toute la famille de Roman Polanski a été massacrée par des disciples du gourou de Charles Manson, du coup. Plus crédible que dans American Horror Story, c'est bien. Bref, voilà, moi je l'attends énormément, c'est le film que j'attends le plus en 2019, clairement. Et il devrait sortir le 14 août 2019 en France, normalement. Donc, super, ce sera peut-être, tout le monde peut-être. Parler, c'est génial. Un excellent film d'été. Un film que je pourrais rattraper. avant le bilan 2019. C'est ça, moi, que je vois. Ouais. Ok, très bien. Et bah, du coup, on va se diriger vers la fin du podcast. C'est parti. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care. On est donc à la fin de cette deuxième partie, pardon, du podcast bilan de l'année 2018. Voilà, c'était assez long à enregistrer comme d'habitude, hein, mais on a pris pas mal de plaisir à s'engueuler sur tous les films où on n'était pas d'accord. Non, mais ça va, on a été. Enfin voilà. On a été sage. Tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Apparemment. Donc. Bref, arrêtez d'embêter Morgan. voilà, merci beaucoup d'avoir écouté. Du coup, si vous avez écouté la première partie, merci aussi d'avoir écouté cette deuxième partie. Merci à Adrien d'avoir participé pour la deuxième année consécutive. Du coup, c'est merci Morgan de nous avoir honoré de ta présence. Mais oui, désolé. Mais à chaque fois, on me demande quand c'est les week-ends, vous me demandez que quand il y a mon copain, je peux pas. Ici à chaque fois, voilà, c'est compliqué. Hein. C'est avec lui que j'irai voir Unfriended d'ailleurs. Y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, je vais rappeler toutes les infos, etc. Et puis pour retrouver les critiques écrites et aussi les émissions audio et vidéo, c'est sur moviesnerd.net. Sur les réseaux sociaux, Facebook c'est MoviesNerd tout court et Twitter c'est Movies_Nerd_8, je le rappelle. Pour nous contacter par mail, c'est contact@moviesnerd.net. Pour noter le podcast sur PodCloud, iTunes, ça nous fait monter dans le classement francophone des podcasts de cinéma et ça nous fait plaisir, voilà. Et si vous voulez nous offrir un cadeau en fin de Noël, pour Noël, faites ça. pour me retrouver, c'est sur Movies Nerd, sur Sens Critique sur Twitter, c'est TheLexal. Je voulais juste rappeler avant de passer aux autres que bon, normalement quand vous écoutez ça c'est déjà publié, mais on a notre top du coup de toute l'équipe Movies Nerd, donc tous ceux qui écrivent etc, qui travaillent sur le site en fait, notre top en commun qu'on fait comme à chaque année, qui sera publié du coup le 31 décembre pardon, ou le 1er janvier, et donc voilà, si cela vous intéresse de savoir le top cumulé du coup, les meilleurs films selon l'équipe Movies Nerd, c'est là-bas qu'il faudra aller. Voilà, j'ai trop parlé, je vais laisser la parole à Adrien pour nous dire où est The Four Horsemen Podcast. Voilà. Ah merde, ah, tu mets mal. Alors non, il y a plusieurs choses. Alors déjà, c'est bon, pour l'écrit, vous pouvez me retrouver toujours sur smallthings.fr et sur Twitter @parkermitty. Pour l'audio, Four Horsemen Podcast va revenir. Okay. On est en préparation de la nouvelle émission, je vous en dis pas plus, même si on a mis un peu déjà un indice sur le compte Twitter de l'émission. Ouais. Donc Four Horsemen AAB, je crois, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est... comment il sait mieux que ça, mieux que moi, lui. Donc voilà, donc il y a ça, Four Horsemen Podcast, donc, et puis surtout Serial Causer, hein, qui est toujours en très bonne forme, notre émission série. Là, on a deux émissions qui arrivent, dont une notamment consacrée à la question des adaptations. Ce qui me permet juste de faire une petite parenthèse pour vous conseiller, avec la permission d'Axel, le nouveau podcast sur les séries d'une amie à nous, enfin sur les séries et sur les films en fait, qui parle justement des adaptations, qui s'appelle le Lemon Adaptation Club, et c'est un très bon podcast que je vous recommande. Et ce sera dans la description du podcast, voilà, pour le retrouver. Voilà. Elle est très gentille. Non, elle est très sympa. Oui. Et c'est tout du coup, Adrien. Oui, c'est tout. C'est ok, tout. Très bien. Très bien. Eddie, pardon. Eh ben, c'est la même soupe que d'habitude. Hein. C'est Movies Nerd, Sens Critique. La même critique. Potion magique. C'est ça. Movies Nerd, Sens Critique, Facebook, Steam. Bah, comme vous voulez, partout, quoi. Eastark. Ok, très bien. Et Morgane, pour finir. Alors, moi, c'est sur Twitter. @CinéMorgan, sur Facebook, Morgan Sheridan, et voilà. Ok, très bien. Et prochainement dans les podcasts Movies Nerd. Voilà. Bien sûr, oui, mais ça dépend des week-ends. Oui, bien sûr, on essaiera de s'arranger au mieux. Non, le but pour 2019, c'est que j'en fasse plus que lui. On va faire un planning avec Morgan. Exactement. Bon, alors, du coup, c'était un plaisir de le faire avec vous cette année. On vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année de, voilà, bon début, et un bon début d'année, un bon début d'année 2019. Bonne année. Voilà, de bonne année, de bonnes fêtes, etc. On espère que tout s'est bien passé, et puis ben on se retrouve très prochainement du coup pour le podcast de janvier 2019 où on va attaquer directement, il me semble, avec Glass. Il sort en janvier, c'est ça? Oh, on va bien commencer l'année. Oui, ouais. Le 16. Donc voilà, bah, du coup, ce sera le film du mois par nécessité. Bah, moi, je serai pas là. Pas parce qu'on le veut, parce qu'il le veut. Non, mais moi, je serai pas là, ça m'étonnerait, mais je vous souhaite déjà une bonne année. Voilà, oui, exactement. Et bah, du coup, bonne année à tout le monde. Et puis, bah, on se donne rendez-vous à la prochaine. Salut. Salut. Au revoir. Au revoir.